Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Eh bien, bonsoir et bienvenue sur l'antenne de RQC. Nous sommes le 1er août, c'est la Saint-Médard. Le soleil va se lever à 6h42 et va se coucher à 22h41. Je sais pas, j'aurais envie de le dire comme ça. Je l'ai entendu tout à l'heure à la météo, je me suis dit ça le fait quoi. Eh ben, dis donc, ça démarre bien, il fait chaud, on est bien. Bonsoir à tous les amis RQC et RQCN. Vous êtes bien dans l'émission 80 à l'heure, comme tous les mardis soirs, donc de 20h à 22h30. Avec toute une bande de joyeux fêtards qui sont autour de la table. On va commencer par le plus allumé, Sherlock, qui est avec nous. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Allez, comment ça va? Ça va, ça va. Bah, lui, il pète la forme, il part bientôt en vacances. C'est ça, ouais. Ah ouais, Vénard, tu vas où? En Bretagne. Ah, et en vacances, sinon, tu vas où? Là, je sais pas. J'ai regardé la météo, ils prévoient un peu de pluie quand même. Ils ont vu qu'il y avait un ovni dans le ciel en Bretagne. Ah bon? Ils ont découvert que c'était le soleil. Ah, ok. Bon, d'accord. Bon, non, c'est bon. Ah, et vous avez reconnu évidemment cette voix, Stéphane, mais on va le présenter en dernier, hein. Ce sera la cerise sur le gâteau. Sherlock, ce soir, on te retrouve avec une petite chronique estivale, quoi. Oui, alors, avec... bah oui, c'est sur les samples, en fait. Les samples, donc... Les samples Voilà. Je vais apprendre un nouveau mot à Unissa, tu vois. Ouais. Les samples. Tu vois qu'Uni, bah c'est pas pareil. Alors, alors rapidement, les samples, en fait, c'est un morceau d'une chanson qui a été reprise et qu'on met dans une autre chanson. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Et il y a eu une émission il y a pas longtemps. Ouais, il y en a eu pas mal aussi, des émissions. Non, que j'ai vu dernièrement en regardant la télé. C'est rare que je regarde la télé. C'est vrai. Et eh ben j'aspire, vas-y. C'était involontaire. En plus, elle aspire involontairement. Non, c'est vraiment la femme formidable. Non, elle a aspiré involontaire. Moi, j'aspire, mais c'est involontaire. Alors, tu vas faire. Ça va sonner. Sherlock, alors s'il te plaît, rattrape un peu le truc. Et donc, ensuite, à 10h, je reviendrai, je serai toujours là dans le reste de l'émission. Ouais. Mais je ferai la chronique sortie ciné. Super. Voilà. Ouais, t'es obligé de la faire, celle-là. Bah ouais, quand même. Bon, si, c'est la dernière avant les vacances. Oui, non, mais t'as raison. Je plaisante. Eh bien, on continue notre tour de table avec notre ami. Voilà, dis donc le rocker. Carrément, avec les lunettes de soleil. C'est les Blues Brothers. La crête en folie, le t-shirt. C'est pas une crête, monsieur. Qui tue sa race. C'est une banane. Oui, une banane. Pas le plus bien. La crête, c'est pour les crétins, les copons. Ah, d'accord. Ouais. Avec la banane et tout. Enfin, Johnny Hallyday, quoi, en gros. Mais d'ailleurs, Non, je m'en vais. C'était déjà désagréable d'entrer. Je profite de l'occasion pour passer un coucou à Johnny Hallyday. Je vais y arriver. Tu nous as prévu un petit truc, Picard ? Oui, bien sûr. Je l'avais dit la fois dernière. Donc, on va continuer sur la lancée de la fois dernière avec les covers. Oui. Et un groupe qui fait dans un style à peu près identique. Identique. Les Rockers Covers, en fait. Les Rockers Covers, un groupe anglais. Un peu dans l'esprit de baseball, mais en mieux, c'est ça. Hein. Ouais. D'accord. Un peu plus rentre dedans. Ok. Bah, en parlant de rentre dedans, nous sommes aussi également avec Onissa. Hello, bonsoir à Onissa. Tous. Comment vous allez? Bien. Bah, ça va et toi? Bah, si je suis avec vous, je vais bien. Ah, ça fait plaisir ça. Au moins quelqu'un qui va bien. Tu nous as préparé un petit truc ce soir? Oui. C'est vrai? Oui. Une chronique sur quoi? Zora. La Rousse ? Dora. Ouais. Ah, Zora ! Oh, excellent ! Ouais. Zora, ah, pas. Ah, Zora, la Rousse, hein. Ah ouais, tiens, j'aimais bien. Moi aussi, j'aimais bien. Ah, absolument, ouais. Ah ouais. Voilà. Ah bon, on a hâte, ce sera quelle heure ? Et c'était pour faire mentir Stéphane, parce qu'il dit qu'à chaque fois qu'il vient, j'ai pas de chronique. Blah. Ah ouais, non, bah, donc voilà. Prends ça dans tes dents, Stéphane. Canon. Après, rentre dedans, rentre derrière. Canon. Bonsoir à tous. Alors, notre quinca. Oui, quinca. Il est devenu quinca. Ouais, j'ai fait deux quincas par terre. Ouais, c'est ça. Quinca voilà. Depuis la semaine dernière. Oui. Voilà. Bah, ça fait plaisir. T'as pas vieilli, en fait. Oui, non, ça change pas. T'as pas pris une ride. Non. Bah, non, bah, je les avais déjà d'avance. Oui, non, mais c'est vrai. Maintenant, tu fais ton âge. Déjà 25 ans, je faisais 50, donc je vais pas changer. Ça va, les enfants? Bah ouais, ça va, toi. Tu veux préparer un petit truc? Non, je vais lâcher les chevaux comme ça au fur et à mesure. Ça marche, voilà. Tant que c'est que les chevaux, ça va. Hein. Oui. Bien, hein. Entre autres. Voilà. Et là, c'est la cerise sur le gâteau, évidemment. Il est avec nous, il a revêtit le costume de Gilbert Montagnier, comme se plaît à dire Onissa, évidemment, alors, lunettes noires. Il a la tête vissée sur son casque, très beau t-shirt, effectivement. Il est avec nous. Il paraît que ça fait 3 mois qu'il n'était pas venu. Ah oui, au moins. Et ouais. Et bah, c'est super étonnant. C'est dingue, c'est dingue. Ça passe très vite. Mais il est là, c'est notre ami. Stéphane. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Stéphane. Ah, Stéphane, bonsoir. Avec le Début Mix 80. Bah, très heureux de vous retrouver. C'est vrai que bah, depuis début mai. Ah ouais, quand même. En juin, ou 3 mois, effectivement. Et bah, écoute, Donc, c'est vrai que maintenant, si tu fais une chronique tous les 3 mois, en se calant bien, on devrait, bien attendre. Oui, je vais y arriver. Il y a deux scénarios possibles. Hein. C'est soit le temps passe vite, ou soit tu nous as pas manqué. Bah moi, je pense c'est que ça. C'est peut-être cette option-là. Non, je crois que le temps passe très vite, honnêtement. Bon, j'enlève les lunettes. Mais je te confirme, avec Onissa, si tu te calmes bien, tu devrais y arriver. Alors, Stéphane, je rappelle-nous un peu le principe du défi. Alors, le principe du défi Mix 80, il n'a pas changé pour cet été. Donc, un sac à mix avec, j'en sais rien, 500 titres années 80, je ne compte plus. Tout style confondu, vous allez en tirer au sort 6. Et puis, je vais me débrouiller avec ça pour faire une seule session. Et puis, comme d'habitude, sachant que ça peut partir dans tous les domaines, puisque c'est vraiment tout style. Est-ce qu'il y a le Zizi de Pierre Perret? On n'en avait pas parlé, la dernière fois. Du Zizi, si, que... mais Pierre Perret, non. Je pense pas. Ouais, il va falloir rajouter. Hein, pense pas. Non, ce serait bien, ouais. Ce serait bien. Je sais pas s'il y a du Pierre Perret. C'est de quelle année, d'ailleurs, ça? Ah, à mon avis, c'est fin des années 70, hein, quand même. Ouais, c'est possible. Ouais, plutôt qu'années 80. C'est intemporel, le Zizi, tu sais. C'est pas faux. Mais non, mais c'est parce que tout à l'heure, sur Facebook, il y a Canon qui a mis un petit commentaire en disant que Stéphane arrivait à mixer le Zizi de Pierre Perret avec Yazoo. J'attends ça. Ah si, c'est oui. Et Sherlock a eu une idée brillante, ça fait le Zizou. Le Zizou. Voilà, bravo. Comme jeune animateur qui a dit qu'il fallait découvrir 10 trucs chez lui et qu'est-ce qu'à 3 cm près sa taille, bah j'ai dit au repos 8. Et avant il a pas vu le C'est vache avec Flickr, voilà. Quand même. Ah non, et au nombre de tatouages, j'ai dit 3. Enfin, Madonna, Adoshin et Flickr. C'est vraiment vache avec Flickr. Bon, ouais, okay. Je retiens. Je suis rancunier. Je sais pas si je l'ai dit, je suis très rancunier. C'est vrai. Ouais. Et la vengeance est un plat qui se mange froid. Ouais, ouais. Même 10 ans après. Je suis sûr qu'avec toi, il va être surgelé le plat. Ouais. J'imagine. C'est pas grave, je m'y attends. J'adore ça. J'adore ça. Et ben, c'est ce que tu vas faire. J'ai rien dit, moi. Flip 4, tu vas tirer au sort justement les deux premiers titres pour la première session du Défi Mix 80 de Stéphane. Qu'il va nous chantonner, bien évidemment, parce qu'on connaît les talents de chanteurs. Et moi, un petit mot en attendant, j'étais super content pour mes 50 ans que vous étiez là. Voilà, ça m'a fait plaisir. Avec merci. Avec plaisir. Voilà, et merci aussi. Et merci aussi aux auditeurs. Comment sur mon profil Canon, il y a des gens, évidemment que je connais, et d'autres personnes que je connais moins et qui m'ont mis un petit message super sympa. C'est chouette. C'était vraiment sympa. Moi, j'ai reçu 5 alertes Facebook pour l'anniversaire de Canon, parce que. Avec j'ai payé un profil, tu sais. C'est le même. Ça, c'est le même aussi. Bah, ouais, bah oui, c'est ils pas ont pareil. Tous 50 ans en même temps, j'y crois pas. Attention. Alors, attention. Allez, et puis on va demander à Canon évidemment de tirer les deux prochains titres. Oh, oui. Et puis également Onissa. Salut, bon, Flipkat, à toi l'honneur. Oh putain. D'ouvrir. Oh putain, avec. Ah, ça commence bien. Oh putain de Arnaud. Putain de Arnaud. Okay. Avec Merde fait chier. Alors, Michel Sardou. Ah ouais. Avec quoi? L'être une femme. Marrant. Ah bah tu peux faire alors. Très bien. Ouais, bien sûr. Bah, et ensuite Daniel Balavoine avec Laziz. D'accord. Ouais. Ah, c'est sympa ça. Canon, de ton côté. Dépêche Mode, Just Can't Get Enough. Ah bah tu peux le chantonner. When I made my life, I said non, tout le monde. I can't get enough, I just can't get enough. Jean-Michel, à vous, à vous. Ah là là là. Alors, à vous. La seconde, je connais pas. Vicious Pink, Can't You See French Extend Mix. Oula. Can't You See... C'est une phase C. C'est plutôt de la New Wave. Can't you see French extend me? Ouais, ça ressemble pas à ça, mais. Ah, Harry serait capable de nous le faire, c'est. Can't you see French extend me? Le rose vicieux. Vicious Pink. Bah non, je connais même pas. Je crois que c'est en français ce titre-là. En plus. Si je ne m'abuse. Vachement. Oui, c'est vachement français. Et oui, c'est Vicious Pink. Je pense qu'il n'y a que ce titre. Enfin, c'est que de la musique, mais c'est en français. On dit ça. Moi, j'ai Michael Jackson, Smooth Criminal. Ah, bah, tu peux le faire. Je sais pas. Ah, tu sais pas. C'est quoi? Il fait Aouh. Ça, oui, mais c'est. Ah, oui, ça c'est ah, ouais, c'est ça, Jean-Michel, à peu près. Hein. C'est incroyable comment, avec ton sexe, ça arrive à faire un bruit aussi aigu, Harry. C'est... La caisse claire, c'est formidable. Non, j'ai pas fait Tchoum tchoum. Tchoum tchoum. Bon. Eh, on donne une patrie, je vais changer de place, je pense. Alors, revenu ça. Deuxième, après, dernier. Pauline Esther, oui, je l'adore. Ah, bah ouais, bah, tu peux le faire. Bah oui. Oui, je l'adore. Non, mais arrête de me caresser, Onisa. Je vais pas dire, il y a pas de truc. Reste Pauline Esther, reste Pauline. Ma braquette, Onisa, arrête. Ce n'est que la radio. Oui, bah heureusement. Et dire qu'il y en a, il y en a qui voulaient le filmer et voir le direct, alors là, laisse tomber, quoi. Bon, eh ben écoute, on va te laisser le temps de te préparer, bien évidemment. Et, je suis motivé hein, pour ma reprise, merci. Ah bah c'est pas mal. Avec plaisir. Ah oui, ça va être pratique. Et oui, et donc, eh ben on va se faire une petite coupure musicale, Sherlock. Oui, bah alors avec Paul McCartney, Stevie Wonder et Ebony and Ivory. Ouais, oh, c'est cool ça. Ça c'est bon. Et ensuite on reviendra avec Alphaville et Sounds Like a Melody. Oui, alors Alphaville, je vous rappelle qu'il passera. Non, j'ai des bêtises. Non, si, c'est vrai. Il passe à la... Mais si, il s'arrête pas. À la fête de la Sainte-Anne. C'est ça, il passe, mais il s'arrête pas. Non. Fête de la Sainte-Anne, j'en avais parlé d'ailleurs. Oui, si. À Périouet. Il y aura Alphaville. Et ouais. Exact. Voilà. Tu en avais parlé la semaine dernière, je pense. Absolument. Eh ben, c'est parti, on écoute ça tout de suite. What we need to survive together. Et oui, vous êtes toujours sur RQC 95 FM, c'est toujours l'émission 80 à l'heure, et là on vient de s'écouter Alphaville avec Sounds Like a Melody. Ouais, bah écoute, moi j'avais pas retenu le titre, mais effectivement c'est un disque qui est super connu. Oui. Et on en parlait hors antenne, effectivement, bon, ils ont été connus pour Big in Japan évidemment, et puis Forever Young, et il y a peut-être d'autres titres aussi, mais du coup ça ne revient plus quoi. Bah ouais, où on connaît peut-être la mélodie, mais peut-être pas les titres. Parce exactement. Que ça, je me souvenais plus du titre en fait. Non, non, moi non plus. Et je me rappelais pas non plus que c'était Alphaville qui le chantait. Ah oui, ça, non, oui. C'est vrai. Ouais, c'est les deux gros titres. Par rapport aux autres titres, Forever Young et Big in Japan, je trouve que ça ressemble pas trop. Enfin, tu vois. Mais on ne reconnaît pas trop l'empreinte Alphaville. Une belle chanson avant, c'est Ebony and Ivory. Oui, oui. Ah ouais, magnifique ouais. Cette chanson. C'est vrai, ouais, absolument. Paul McCartney et Michael Jackson qui avaient déjà fait un. Stevie Wonder. Stevie Wonder, n'importe quoi. C'est un autre noir, mais c'est pas le même. Oui, tu as raison, on peut confondre souvent. Moi, j'ai déjà dit McCartney aussi. C'est marrant ça, ouais. Oui, tu as raison. Ouais, non, je pense à Say. C'est pour ça. Ouais, c'est ça, McCartney, c'est Say. Ah, bah merde, ouais, c'est vrai. Ouais, complètement. Complètement. C'était bien aussi, ça là. Ça serait bien que tu. Excuse-moi, tu dois l'avoir. Oui, je l'ai, ouais. Ah, j'aimerais bien, ça. C'est vrai, c'est une belle chanson, Say. Ouais. Hey, Michael. Yes, Paul. Yes, Paul. En parlant de gens qui ont chanté, il y a une grande dame qui a disparu, c'est Moreau. Oui, c'est vrai. Hein. Oui, oui. C'est vrai. Ouais. C'est pas notre. Celle qui a fait la doublure de E.T. d'ailleurs. E.T. est retourné à la gorge. C'est horrible. Elle est géniale. Et concernant la gorge, un petit coucou à Johnny Hallyday de la part d'Aria. Ouais, mais ceci dit, donnez-moi quelques titres quand même de Jeanne, dans lesquels Jeanne Moreau a joué d'ailleurs. Des titres de films. Ah, des titres de films. Sincèrement, ben, voilà. Titres, mais ça, c'est contre, terrible quand même. Oui, mais je vois les films. Ouais. Alors, elle a joué dans Jules et Jim. Ouais. Elle a été connue par ce film, entre autres. Bah oui, avec la fameuse chanson, on s'est rencontrés. La ritournelle, absolument, de la vie. La ritournelle de la vie. C'est une chanson, excuse-moi, qui est une chanson, tout le monde la connaît comme ça, on n'a pas les paroles, c'est une monstruosité à chanter. On l'a demandé une fois, je chante de temps, je chante parfois, c'est pas mon problème, j'avais le texte devant les yeux, et il y a un phrasé là-dessus, ta nanana, nanana, nanana, et tu bouffes du chewing-gum, t'as intérêt franchement à la travailler avant, parce que tu la sors pas cette chanson. Ah, bah, je me elle est ouais. très compliquée, non, et elle te la chante dans le film, j'ai vu un extrait noir et blanc là. En noir et blanc TF1 ou Antenne 2 et c'est vrai c'est la façon elle a un phrasé elle a une voix exceptionnelle et à l'époque elle était pas rock n'en déplaise à Flip 4 ouais. Non non mais j'ai bien compris mais n'oubliez pas non plus qu'elle a joué dans Nikita. Eh oui. Ah ouais. Eh oui, Jeanne Moreau a joué dans Nikita. C'est elle qui s'occupe de Nikita. Ah oui, dans le centre de jeu, du maquillage et tout ça. Oui, et ouais, c'est vrai, exact. Et oui. Et c'était un de ses derniers rôles d'ailleurs dans Nikita. Elle était encore très belle. Oui, mais de toute façon, elle avait quand même son charme à part sa voix évidemment. Et je pense qu'elle a dû bien fumer cette dame. Il faut être honnête, je pense que c'est ça. Sa voix, elle plaisait à beaucoup de monde, tu sais. Ah bah, elle avait une voix quand même assez particulière. Ouais. Assez particulière. Donc Jeanne Moreau, bah si tu nous écoutes de là-haut, un grand hommage à Jeanne Moreau. On va peut-être passer la ritournelle de la vie, si tu veux, Sherlock, vers 23h. Ouais, voilà. Ouais. Et au fait, les gars, vous avez vu, demain, date fatidique quand même, le 2 août. Vous êtes au courant? Non. Qu'est-ce qui va se passer le 2 août? Qu'est-ce qui se passe demain? Le bug 2000? Non, il doit y avoir un bug aussi, je sais ouais, plus. On en parle partout là, en ce moment. Demain, qu'est-ce qui se passe demain? Moi, c'est comme d'hab, je bosse. On va savoir si Paris est sélectionné. Il est sélectionné. Ouais, non, enfin, c'est pas qu'il est sélectionné, c'est qu'il est plus tout, il est plus que tout seul en course. Il est prioritaire. Mais bah, il devait négocier. Ça sera confirmé en septembre. Et toujours pas ça. Alors, le 2 août, demain, qu'est-ce qui se passe? Demain, qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, c'était 3 août. C'est le jour le plus long. Non, pas du tout. Alors, on n'arrête pas à en parler. Facebook devient payant. Nous ont fait chier. Non, c'est pas ça du tout. Non, mais alors que si tu lis bien et bien marqué entre parenthèses, tu as dit ça parce que tu t'es fait avoir. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, non, non, non, non. Sherlock, c'est foutu ta gueule. Non, non, non, non. Non, non, non, non, du tout. Je me suis moqué justement. J'ai détourné le texte. Si tu regardes bien, c'est pas la copie conforme. Pour me foutre la gueule des gens qui n'arrêtaient pas et ça me saoulait quoi. Et alors, le 2 août? Ça nous dit pas, oui, le 2 août. Ah ouais, 2 août. C'est alors, sachez que. Non, il y a quelques années, là, il y a quelques années, c'était en septembre. Et encore quelques années auparavant, c'était en décembre. Le ramadan? Non. Bah, il change tous les 8 ans. Non. C'est une grosse question d'écologie, entre guillemets. On se prend un degré? Ah, attendez, on n'en parle que de ça à la radio pour ce moment. Un solstice? Demain? Demain? Une éclipse? Non. Non. Non. Les impôts, le demain, gaz. Nous aurons épuisé toutes les réserves naturelles de la planète. Ah, et le 2 août. Ben, ça fait réfléchir quand même, parce qu'on se dit que toutes les réserves naturelles de la planète seront épuisées demain. Bon, moi, je serais et c'est-à-dire que pour contenter toute la planète entière, il faudrait une planète et demie par an. Un truc de fou. Enfin, je vous rassure, les filles, moi, demain, je ne serai pas fatigué. Je crois qu'on ne s'est pas compris, mais elle me regarde perplexe, mais qui raconte? Bah non, mais voilà. Qui avait décidé cette date? Parce que alors, c'est demain, il y aura encore. Comment ça a été quantifié? Quelles ressources naturelles, justement? Toutes. C'est-à-dire ce qui est le bois, la viande, l'eau. On consomme beaucoup plus d'eau qu'il n'en existe en réalité. Oui, ça c'est vrai. Par contre, ça va être un gros problème d'ici 40-50 ans. Voilà, c'est ça. Et ils expliquaient qu'en 2020, je pense, ou en 2040, on allait avoir de gros problèmes, effectivement, pour. Substanter toute la population de nourrir la planète, oui. Ouais, absolument. D'autant plus que la population grossit de toute façon chaque année. Ouais. Population mondiale. Et depuis l'existence de la planète, il y a eu 108 milliards de terriens. C'est fâché. Voilà. Qu'est-ce qui lui arrive? La population grosse. J'ai eu une image là. Non. Mais c'est là où je me dis que les canicules, des fois, c'est des bien. Fois, tu vois ouais, ouais. Surtout Reno. Ça s'appelle sélection naturelle, ça. Hein. C'est ça. Les canicules Reno, s'ils mangent d'eau. Tu me dirais Jean, Reno. C'est bien d'essayer. Non, mais t'as raison d'aborder un sujet sérieux. Mais j'ai un message à passer, les filles. Hein, toutes les ressources naturelles de la planète ne sont pas épuisées demain. Je vais me réveiller en pleine forme. Vous pouvez m'appeler au 0669 trois fois. Ouais. Donc vous inquiétez pas. Et pour les mecs, il y a Onissa. Allô. Mehdi. C'est rien. C'est pas Mehdi. Hein. Mehdi, c'est pas moi. Non, mais blague à part, sérieusement. Moi, j'écoute pas mal les informations parce que je ne regarde pas la télé. On n'en a pas parlé. Hein. Ah, si. Ah, si. Écoute, moi, j'en ai pas entendu parler. Moi, non plus. Moi, j'ai entendu parler de. Jeanne Moreau. Ouais, de Jeanne Moreau. Bah si, mais c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais pas de... de Paris aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Mais pas ça de aussi. Ce que tu viens de dire, parce que c'est... Et de la gare Montparnasse, et des trains. Oui, et des lapins. Et des migrants. Et de Bayeul. Non, mais sérieusement, c'est quand même interpellant, parce que bon, c'est important. Bien sûr que c'est important. Et je t'assure que... Ça te fait flipper, hein. Bah non, mais il y a une prise de conscience... Tardive, de toute façon, ça ouais. c'est oui, clair. Oui, mais bon, je veux dire, si on en parlait plus à la population, déjà pour toucher les plus jeunes... Bah c'est ce que t'arrêtes pas de faire depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. Toucher les jeunes. De toucher les plus jeunes. T'es pas obligé de te raconter ce que je te fais. Ah, ouais, ah bah c'est toi, hein. Par contre, j'entendais à la radio, ils avaient prévu 2 degrés d'augmentation pour 2040. Ils en parlent très sérieusement. Il y a tout un colloque de scientifiques ouais. qui travaille depuis 3 ans. On va se prendre 3 degrés. Cool, il fera 15 ans. Donc c'est pas génial. Peut-être que ça soit Trump ou tout ce qu'on peut faire maintenant et mettre en place de toute façon, il est certain que pour 2040, on sera à 3 degrés de différence, ce qui fait que le niveau des océans va monter à peu près de 80 cm et on ouais, va se frapper ouais. à peu près 800 millions de déportés ou du moins d'immigrés géographiques. Déporté. Bon, je pense qu'on va mettre la musique parce que... Ouais. Non, mais allez, de toute façon, on pourrait pas mettre l'ambiance aussi. À toute époque, même l'époque glaciaire, la planète a toujours connu des bouleversements. Bien sûr. On présume même que d'ailleurs l'extinction des dinosaures a été due à un réchauffement de la planète. Ouais. Donc le réchauffement climatique dû à... Je dis pas que ça n'a pas d'incidence, mais directement, de là dire que c'est uniquement à cause de ça, peut-être pas. Ouais, on se croirait chez les chiffons rouges. Non mais je donne raison. Excuse-moi. Non, là on n'a pas parlé de migrants, ouais. on a parlé de. Je me permets parce que Harry a raison. En fait, la date est fatidique. Elle a consommé en fait l'humanité a consommé en seulement 7 mois toutes les ressources que la Terre peut produire en une année jusqu'à la fin 2017 pour continuer à boire et à manger, à nous chauffer, à nous déplacer. Nous allons donc surexploiter les écosystèmes et compromettre leur capacité de régénération. C'est-à-dire que là on a passé le cap. Tu as raison. On va continuer à avoir de l'eau, du pétrole, mais on est en train de puiser plus que ça peut produire. Et ça c'est quand même donc le Monde, le point.fr, un journal très très sérieux qui nous alerte. Non, mais c'est pas. Et Harry d'abord. Je suis étonné que vous en ayez pas entendu parler. Parce que non, mais je t'assure que c'est. Oui, franchement, c'est interpellant, mais on en a. Moi, j'ai entendu que ça toute la journée, quoi. Bah, je t'avoue qu'en ce moment, j'écoute très peu la radio. J'écoute beaucoup ma musique. Ouais. Parce que la radio en ce moment, c'est même les actualités, c'est déprimant. Ouais, bien sûr. Selon les calculs qui sont faits depuis 10 ans sur les plus grands scientifiques, la consommation de l'humanité dépasse de 70% les ressources disponibles. Autrement dit, on bouffe 1,7 planète par an nécessaire pour assouvir les besoins des humains, c'est-à-dire qu'on va tous crever. Alors, quand je vois la tête de Harry, ça m'inquiète, ouais, effectivement. Bah non, ça m'inquiète. Ça me fait penser un peu à la blague du mec qui dit comme ça, il fait Harry, il dit franchement, il dit tresserait. Il te resterait une heure à vivre, la planète disparaît, qu'est-ce que tu fais ? Moi ! Mais je baisse tout ce qui bouge ! Oh là, et toi, Canon ? Ah bah moi, je bouge pas. Ouais. bravo. Bon, allez, redevenons sérieux. Nous sommes avec Stéphane, évidemment. Non, redevenons sérieux, non, plutôt... Festif. Voilà, festif, on va dire. On va... Alors, merci pour ce tirage au sort. Ah, mais avec plaisir. Prie, voilà. On adore te tirer au sort. Je sais pas trop ce qui va se passer. Je dégage toute responsabilité. Je comprends. Mais autant, tu vas assumer ton set, ouais. Quand je vois les titres que j'ai tirés, déjà... Les trois premiers, peut-être, mais la suite, je ne sais pas. Michel Sardou, Vicious Pink, enfin voilà. Ouais, on va découvrir ouais, parce qu'on sait pas ce que c'est. Non. Alors, on va démarrer... par un set techno. On va démarrer par la Ziza. Non. La Zézette. Le Zaï. Ouais, ça existe. Ça existe, la Zézette. Ah oui, c'est criminal. Oui. You won't. Okay. La folie, ça se danse

danser pour l'éternité. Corps à corps, on s'endort sans effort. Oui, je l'adore, c'est mon amour, mon trésor. Moi je dis ça. J'étais dans le fauteuil, je vous assure que je pense pas. Harry était à faux jeton parce que Harry était en train de danser sur la table. C'est vrai, c'est oui, je t'adore. Ah, avec ses petits doigts. Et on sait pas où les mettait. Mais voilà, tu vois, il était très consensuel. Et, ben, et c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, on a eu. D'ailleurs, on a plutôt consensuel. Attention, cacophonie là. Non, non, mais je dis, on a eu difficulté à te faire descendre de la table parce que tu faisais sauter le CD. Ah oui, on a eu un chocolat. Alors oui, alors, mais oui, mais, alors explique pourquoi. C'est parce que là, il avait sauté sur la table à pieds joints. Il y a eu tellement d'ambiance ici que ouais, alors, c'est même pas le CD, mais j'ai le contrôleur qui a perdu un peu pied. Alors c'est con, hein, après une transition entre Michael Jackson et c'était quoi, l'Aziza, je crois. Hein, ouais, en plus, bel enchaînement. Ouais. Ça a pas duré longtemps. Alors évidemment, évidemment, Michael qui nous écoute, Michael, ne Michael. S'empêche pas de nous envoyer une petite blague en disant après le zizi, l'Aziza. Merci Michael. Ça là, il fallait que tu la fasses, mais elle est pas mal. Ouais, fatigué Michael. J'espère que ton opération se passe bien. Il a précisé également pour le quatrième titre de Alphaville, ouais. Qui était Dance with Me. Ouais, alors là, ça me parle un peu moins. Ouais, moi aussi, pas du tout. Bon. Pourquoi pas? Bah moi, ça me parle, ça va t'étonner, mais si, quand même. Et moi, je tiens bien parce que. Wap, wap, wap, ça te parle? Et. Non, je vais dire quelque chose, mais. Moi, je suis toujours à côté de Onissa, ça t'étonne tout le temps. Alors, avant de laisser la parole à Onissa, j'aimerais rendre un hommage. Oui. Là, ce soir. Oui. Puisqu'en fait, c'est l'anniversaire, ce soir, du co-créateur de l'émission 80 à l'heure. Flex, que je salue au passage. Ah, oui. Et je lui souhaite un merveilleux anniversaire à mon ami Flex. Un petit birthday, l'ami Flex, ouais, voilà. Qui peut-être à l'écoute, je ne sais pas. Est-ce qu'il écoute encore dans sa cambrousse? Je crois qu'il est fortement occupé, donc ça m'étonnerait qu'il nous écoute. Mais en tout cas, bon anniversaire à Flex, puisqu'on rappelle que l'émission, à l'origine, c'était Harry et Flex, il y a bien longtemps, il y a 11 ans. Donc, voilà. Ouais, donc c'est son anniversaire, il fête ses terres années. D'ailleurs, on va fêter bientôt les 10 ans de l'émission. Non. Non mais ça viendra un jour, ne vous inquiétez pas. On doit déjà fêter, ça fait 12, on doit fêter les 10 ans de l'émission. Il faut qu'on entend le groupe Imagination traduit. Les vidéos de Sloan et tout ça ne vont pas tarder. D'ailleurs, c'est vrai, ça. Voilà. Ça, c'est vrai. Et Harry a fêté ses 30 ans il y a 10 ans. Et c'est comme la fameuse interview de Lee John aussi. C'est bien parce qu'il écoute vachement Philippe Catch, je trouve. Entre autres, il y a justement Lolo qui me demandait pour les 10 ans de l'émission s'il fallait réserver le repas ou pas. Bah écoute, oui, elle peut réserver. Hein, Par contre, vous qui êtes à l'écoute, j'ai pas eu le temps. Donc samedi et dimanche, je m'en occupe. Donc les vidéos seront traitées. Voilà, vous aurez l'interview en étant sérieux de Sloan, aidez-moi, Pat Ottawan. Pat Ottawan et Thierry Pastor. Et Thierry Pastor, ouais. Donc en intégralité. On aura la bande son ou pas? Ah oui, complètement. Ça, ouais, puisque la Sherlock. Alors pour vous expliquer, en fait, on a fait la captation complète vidéo de l'interview et Sherlock en même temps. Donc moi avec l'appareil photo et en fait Sherlock en même temps avec son portable. Donc je mixe les deux pistes très précisément pour qu'il y ait une spatialisation qu'on entende bien. En fait, c'est pas mal parce qu'avec le ton son est un peu plus grave mais très proche et en fait le mien est un petit peu plus sec, un peu plus aigu puisqu'il est plus loin et donc ça donne une audition qui est vraiment très très correcte. Ah bon, on a hâte. Donc je croyais faire ça semaine dernière mais j'ai travaillé un peu trop. Ouais. réaction spontanée d'Onissa. Alors justement Onissa, tiens, qui est morte de rire. Tu te moques pas de notre premier rapport comme ça. Il a pas arrêté de fêter son anniversaire. Alors Onissa, justement toi qui as la parole, tu vas la garder. Harry. Eh bien tu vas nous parler d'une certaine Zora. Zora Larousse. Ah oui. Ah ouais. Quand elle pète, elle éclabousse. Non, elle fait de la mousse. Alors, parle-nous de Zora. Ou elle fait de la mousse. Ça dépend ce qu'elle mange avant. Enfin bref, pardon. Ça commence bien. Alors, Zora Larousse, il y a eu 13 épisodes. Pas plus? Non. Ah, non. Ah ouais. Il y a eu 13 épisodes. Ça perd l'hypopète. Je sais d'où elle vient, ce qu'elle faisait avant. Je peux tout aider. Allez, vas-y. J'étais amoureux. Non, c'est ta chronique. Non, ouais. Mais c'est vrai. Tu verras, je vais te la commenter. Oui, pardon, mais on n'a qu'un micro, donc oui, je rappelle au président d'RQC que Onissa aimerait avoir son petit micro. Adresse-toi au trésorier, s'il te plaît. Bon, donc la première diffusion le 9 janvier 81. Un mercredi. Celle-là est belle, bien placée, très bien. Bravo. Non, bah, certainement, puisque c'était sur Icrado. Pour une fois qu'il la place bien. Et pour la petite anecdote. Anecdote, c'est à partir de 1972 que les films sont sortis le mercredi, puisque avant 72 c'était le jeudi. Oui, d'accord. Puisque nous n'avions pas l'école le jeudi. Absolument. Toi, ouais. Mais nous, on avait l'école le mercredi. On n'avait pas des buvards et de l'encre rose. Ouais, c'est la galère, ça, je te jure. Enfin bref. Et les bonnes sœurs, on n'a pas connu non plus. Non, bah moi j'ai connu. Bah ouais, je me doute. J'ai connu plein de boxeurs. Bonne sœur. Bon, je peux placer un mot là, les garçons. C'était la chronique d'Onissa, merci. Ouais. Ah, 50 ans, il ne comprend plus rien, lui. Hein. Alors, c'est fini. Zora, c'était la meuf de Zoro ou pas? Non, par contre, est-ce que vous saviez que c'est tiré d'une histoire vraie? Ah non. Oh bah sans le. Non. Si, en fait. Elle chie vraiment des pamplemousses? Non. Bah, les garçons, maintenant, non. Hein. Là, franchement, c'est pas possible. Hein. Alors, ça, j'aime bien. Là, j'aime bien. Non, bah, t'as, bien sûr. Alors, Zora Larousse. Bon, alors, dis-moi, qui étaient ses amis? Oh bah il y avait un pote enfin c'est rien. Non mais moi, t'as regardé quand même. Mais j'étais trop jeune. Quoi, t'étais trop jeune. Mais je m'en rappelle. Mais je me souviens du générique, mais après. L'histoire un peu. Personne se souvient non, de l'histoire. Non. Zora Larousse, son lit est fait de mousse, mais ouais. Comme ouais. Je sais pas. J'en sais rien. J'ai une image de dans les rochers. Je te dis c'est adapté. On avait dit les orgasmes après 22h. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est. On l'a perdu. Oh, je suis dégoûté. Pour une fois que je suis une chronique, quand même. Bon, allez, reprends ta chronique. Allez, si je te dis Kurt Held. Non, mais oui, ça je sais. Mais moi, c'est eux, quoi? Ils savent pas. C'est eux que je veux. Ah, mais moi, je sais pas. Vas-y, alors, bah non, moi, je sais pas, aucune idée. Non, l'histoire, ça va. Mais non, mais moi je préférais. Alors, c'est moi, je vais te dire. Voilà. Zora Larousse, je m'en fous un petit peu. Je préférais Silas Lavie. Oui, mais là on parle de Zora Larousse. Ouais, je sais bien. Je sais bien, mais c'est Silex le feu aussi. Mais de cette façon. S'il a la vie, Silex le feu. Silence, on tourne. Juste pour la petite anecdote, le temps qu'elle se reprenne quand même, Onissa. Moi je fais plus de chronique. Il faut dire que sa chronique, elle le fait avec un papier quadrillé, avec une marge sur la gauche, écrit avec une plume, et puis un encrier, à mon avis. Mais moi, Harry, je fais une chronique. Ah bah moi aussi, mais moi, tout est dans la tête. Ouais, mais ça prouve. Autant faut-il en avoir une, n'est-ce pas? Ça prouve qu'on t'adore dans la mission, je vais te rendre le micro, c'est que toi, t'arrives jamais à amorcer ta chronique, on la pète à chaque fois. Alors, donc, Kurt Weill. Ouais. Bon, alors, dis pas mon papier. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette Zora? C'est une vraie histoire. Non, c'est tiré d'une vraie histoire. En fait, à chaque fois qu'elle dit un truc, ouais, vraie histoire. Bah ouais, c'est normal, c'est une rousse en plus. C'est vrai que c'est triste. Alors, c'est triste, les rousses. Ah ben non. Ah bon. Bon, bref. Elle sortait pas quand il pleuvait. C'est ça. Hein, ah tiens, ouais. Fais ta chronique. Alors, vas-y, alors Zora. Et alors Zora. Alors, Zora. Les chroniqueuses restent pas longtemps dans 80 heures en général. Mais ça m'étonne pas, franchement. C'est elle qui reste longtemps entre nous. Harry, allez. Ça suffit maintenant. Bon, tu l'as fait. Chut, oui. Donc, alors, c'est une histoire. Moi, je suis désolée. Je fais une chronique quand c'est. Vas-y, fais ta chronique. Oh, purée. Épate-nous. C'est une horreur. Oh, je t'en prie. Bon, allez, vas-y. Alors. C'est tiré d'une histoire vraie. Donc Zora, en fait, elle devient orpheline. Mais oh non, moi je laisse tomber. C'est pas possible. Donc elle devient orpheline, non, arrête, on est sérieux. Non, donc elle fuit son pays d'origine parce que avec sa maman et son frère. Et elle vient de où? La Syrie, non? Non, moi je parle plus. Non, vas-y. Non, allez, on dit plus rien. Vas-y. On a plus de son. Ah, vas-y. Voilà. Donc en fait, à l'origine. Zora, elle fait partie d'une famille et son père accidentellement tue un membre d'une autre famille qui lance une vendetta et qui décide de tuer tous les hommes de sa famille. Donc, elle décide de partir avec sa maman et pour sauver son petit frère. Seulement, lors du voyage, sa maman et son petit frère meurent très, très vite et elle se retrouve seule. D'accord. Elle a... Allez, elle rentre dans une... Là, tu se marres de moi. C'est vrai, parfois. Bon. C'est une histoire vraie. Ouais, c'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est pas possible. Vas-y. Tiens. Donc, donc elle arrive dans un bar, il y a une trentaine de mecs. Oh, oh, ça part de biker d'ailleurs, non? Non, vas-y. Donc, alors, elle devient chef d'une bande parce que bah, c'est la plus forte. Et avec cette bande-là, ils essayent de survivre. Ils sont aidés par... L'armée du salut. Un ami boulanger qui leur donne le pain de la veille pour leur donner à manger. Paul. J'en peux plus. Ouais. Ah, c'est bon. Ah, ouais. Ah, si, c'est bon. Enfin bref, que parce que elle veut. Et souvent d'ailleurs. Elle va faire caca chez Paul. Elle veut récupérer son château et ça se passe pas très bien. Ouais. Oui. Château. Ouais. Oui. Ah. Sa famille, elle veut récupérer en fait le château. Et ah ouais, mais ça tu l'avais pas dit qu'ils avaient un château à la base. Mais vous m'avez pas écouté, vous m'avez pas le temps de placer. Ah si, on t'a écouté, mais tu l'as pas dit. À l'origine, elle vient quand même d'une famille. T'as dit d'une famille. D'une famille fortunée. Ça, t'avais pas dit fortunée. Alors, par contre. Est-ce qu'elle est relative au Rothschild? Non. Non. Non, parce qu'en Croatie, Rothschild, vous connaissez pas. Bon. Ah non. Enfin bref, que c'est 26, c'est 13 épisodes qui racontent toutes les péripéties. D'accord. Qui a été écrit par. Tu l'as dit tantôt. Kurt L. Voilà. Kurt L. Donc c'est un roman à la base ou oui, c'est un roman qui est tiré d'une histoire vraie qui s'est passée en 1940. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, Zora? Alors Zora Larousse, à l'origine, l'héroïne qui a joué dans le film, elle est devenue institutrice et elle enseigne encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On peut la voir sur internet avec une photo d'elle il y a 35-36 ans. Ouais. Et il paraît qu'elle est belle, je crois, de mémoire. Je pense que c'est une très belle femme. Oui. Si. Et il faut savoir aussi qu'il y a un prix qui s'appelle Zora Larousse, d'ailleurs, qui récompense en fait tous les projets qui sont des médias, mais qui mettent en avant l'égalité entre les hommes et les femmes. D'accord. Et le dernier prix a été remis en 2006. D'accord. C'est impossible de faire une chronique. Vous vous rappelez de Zora Larousse? Et c'est... Oui, enfin. Pas du tout. Je me souviens surtout du générique. Pas du tout de l'histoire, par contre. Ouais, c'est ça. C'est pareil, ouais. Si, mais en fait, tu vis les péripéties où elle est toujours avec sa bande et il y a toujours un riche propriétaire et deux gendarmes qui sont toujours occupés de courir après eux et de leur mettre des bâtons dans les roues. Ils sont aidés par un portier. Les rousses. Ils sont aidés par un portier qui tient un hôtel et par un vieux pêcheur aussi également. Mais vous vous souvenez vraiment pas? Oui, non, mais moi j'avais 16 ans. J'allais demander. J'avais 16 ans. C'est plus le générique. C'est un dessin animé ou un. Non, c'est un film. Ouais, mais enfin, je veux dire, non, c'est un film. C'est un film. Ouais, c'est un téléfilm, etc. Ils ont fait un. Ah oui, après, non, mais c'est un. Moi, le film et tout ça. À 16 ans, j'avais un poster de Zora Larousse parce que je voulais toujours devenir romain et. Et elle était super sympa. Si, ouais, ça a marqué. Et hormis Zora Larousse, c'était quoi son nom de famille? Donc Zora quoi? Zora Larousse. Larousse. Ouais, je crois qu'il n'y avait pas Larousse en un mot alors. Non, Larousse en deux mots. Non, deux mots. Son deuxième prénom, c'est Encyclopédie. Bravo. Bon, eh ben, écoute, merci pour cette rétrospective sur. Tu vas nous mettre un lien, au moins sur un des épisodes. Ah bah oui. Alors, Onissa, est-ce que tu penses faire une chronique chaque semaine après cette prestation? Non. Une fois par mois, ce sera déjà pas mal. Eh bien, merci. Bien. Je vais faire comme toi tous les trois mois. Tu comprends ta douleur maintenant. Ce que je propose, c'est que nous procédions au tirage au sort de la prochaine session. Allez, alors on va demander. Moi, j'en ai tiré déjà deux. Bah, pour une fois, ça te change. Non, mais écoutez-la, la frigide ici. Alors, c'est surtout sur une année. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, tirer deux titres, s'il te plaît? Oui. Hein? Eh ben, ça va, Flipkat? Et puis, j'ai découvert. Bon, je vais remettre mes lunettes. On va demander, on va demander à Stéphane aussi également. Ça va peut-être mieux avec les lunettes. Ah, écoute. Bon, ça va, votre tambour interne, là? Si, c'est ça. Bon, Gilbert, tu peux tirer deux au sort? Bah, on y ça, à toi l'honneur. Eh ben, on va faire plaisir, Thierry Pastor. Ah bien, lequel? Le coup de folie. Alors vas-y, tu peux le faire. Bah enfin. Je me fous. Oh. Je me fous, c'est pas lui. Parce que là, tu faisais confidence pour confidence. Hein. C'est ça, Jean Choultès. Ouais. Ah oui, effectivement. Ah bah oui, quand même. C'est vraiment un coup de folie. Et d'ailleurs, t'avais dit qu'il y avait un truc spécial là-dessus, c'est qu'à chaque fois, les fins de phrase, il les reprenait en début de la phrase et ça. Effectivement. Oui, tu l'avais dit. Ouais, mais je me souviens plus du nom d'ailleurs, mais effectivement, c'était la particularité de la chanson. Oui, mais c'est vrai, ça je m'en souviens. Pour une fois, t'avais fait une chronique et j'ai retenu. Eh ben voilà. Deuxième titre. The Cure, Bandos Cry. Ah bah là, tu peux le faire. silence dans Don't cry. Ça, c'est pas moi. Hein. Alors, pour ma part, moi, j'ai Rick Astley avec Never Gonna Give You Up. Ouais, facile. Après, j'ai Peugeot. Dès que le vent soufflera. Et Renault, il est pas là. Ah ouais, c'est Renault, pardon. Dès que le vent soufflera. Alors, ouais. Dès que le vent soufflera, nous nous en allerons de requins. Ouais, c'est ça, il dit ça. Il et nous nous en allerons de lapins. Ah, il dit ça aussi. Aussi. Pardon, excusez-moi. Stéphane, je suis sans fou, il fait sa vie en train de filmer. C'est un selfie. Pino Dandio. Ah, la pine d'ange. Ma quoi la idée. Ah, c'est bien ça. Bah vas-y, fais-le. Voilà, idée. Il y a une voix féminine à la fin. Ah non, quelle idée. Moi je comprends rien. C'est pas ça? Bah je sais pas, vas-y refais-le. Ça me dit rien du tout. C'est bien Jimmy Somo. Ouais, ça sort fort, mais arrête de te pincer les testicules quand tu chantes. Refais-le. J'ai pas reconnu. Ouais. Mais là c'est les Kids United qui l'interprètent. Ouais, c'est ça, je crois. C'est ça. Peut-être plus facile Dead or Alive. Ah bah ouais. Ah ouais. Ah bah ça tu veux faire c'est d'ailleurs qui nous a quitté il y a pas très longtemps, il y a un an ou deux je pense. Oui, c'est vrai, ouais. Il ou elle d'ailleurs, on sait plus trop hein, que... Non, c'était sérieux, toujours il, toujours il. Il a eu un look enfin un physique très androgyne, ouais, mais toujours monsieur. Il y avait toujours un service trois pièces. C'était pas monsieur madame. Oh, je suis pas sûr, hein, parce que quand tu le voyais après la fin. Si. Mais il ressemblait plus à une femme qu'un homme. Oui, d'accord, mais c'était toujours un monsieur, c'était pas monsieur madame. C'est vrai. Il y avait toujours ses deux tasses et son. Ouais. Parce que j'ai entendu dire qu'il dormait souvent sur la béquille. Ouais. Ça marche. Merci pour l'info, Sherlock. Je vous en prie. En attendant, pour mettre. Pour mettre Stéphane en jambe, Stéphane en jambe. Ouais. Je vous propose une petite coupure musicale donc avec Michael Jackson et Paul McCartney avec Say. Ah ouais. Et ensuite on viendra alors avec Tony Esposito et Kalimba de Luna. Ah, Kalimba de Luna. Ah ouais. C'est bon, ça. Ouais. Allez, bah, c'est parti. Girl, together. Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez 80 à l'heure. RQC 95 FM. Lee John of Imagination. You're listening to Illusion. Et vous êtes toujours sur RQC 95 FM, j'espère que vous allez bien dans l'émission 80 à l'heure avec Flipkat. Eh oui, bonsoir. Avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Avec Harry. Ouais. Avec Harry. Et tu nous as fait du Flipkat là. Avec Stéphane. Ouais. Et avec Onissa. Oh oui. Et Onissa qui m'a dépense. Hein. Voilà, j'ai plus ma voix de crooner. Bah maintenant c'est je vous laisse la voix. Refais-nous la voix de crooner Je vous laisse la voix de gamine avec Harry que vous venez d'entendre. Hein. Alors mais attends, ici, voix de crooner. La voix de crooner. Salut c'est Jeanne. Non, c'est pas vrai. C'est bon, ben voilà, on est dans l'émission 80. T'es content ? Allez, vas-y. Non, continue. C'est bien. Hein, Non, mais vas-y, vas-y. Tiens, il y a même un selfie. Ouais. Dis bonjour à Johnny. C'est pas, je sais pas ce qu'il fait, mais. C'est Page qui nous revient d'un festival là au fait. Oh bah il fait que ça en ce moment. Ouais, alors le dernier en date c'est lequel? Le dernier c'est les Nuits Secrètes le week-end passé. Ah ouais, alors c'est quoi un peu le principe des Nuits Secrètes? C'est Aulnois hein. C'est Aulnois Emery et puis bon maintenant c'est un festival qui a pris pas mal d'ampleur avec deux scènes principales. Il y a aussi une scène plus orientée techno, donc nocturne, sur un autre site. Mm-hmm. Et il y a aussi d'autres choses qui sont, alors ce qui a fait l'originalité des Nuits Secrètes, c'est des parcours secrets. Où tu pars avec un bus pour découvrir des concerts dans des lieux insolites. Wow. Bon, je vous l'avoue que ça, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, parce que bon, pendant que tu fais ça, forcément, tu ne peux pas assister au concert qui se passe sur les autres scènes. Donc, il y a un moment, faut choisir. Mais il faut savoir que là, si tu prends ces systèmes de parcours secret, ben, tu sais pas quel artiste tu vas voir et tu sais pas dans quel lieu. Sympa, alors, le concept est sympa. Le Minoy. Ouais. Et bah, c'est pas du côté dans le noir. Hein, c'est secret. Ça porte bien son nom. Mais il y a des têtes d'affiche ou pas pendant le festival? Bon, là, en principale tête d'affiche, il y avait Julien Doré. Ouais, et sinon il y avait des têtes d'affiche ou pas? Je suis pas d'accord avec toi. Non. Il est talentueux ce garçon. Ah ouais, ils l'ont mal exploité. Mais... D'ailleurs, il y a eu, ils en parlent dans les médias, hein, Julien Doré qui répond à tous ses, quasiment à tous ses fans. Et il y en a un qui lui a envoyé une missive sur Twitter en lui disant j'ai jamais vu un truc aussi nul en parlant de son concert. Et Julien a répondu mais si, rappelle-toi ta première nuit d'amour. Ah, claque! 300 dans tes dents. Et il répond beaucoup, apparemment. J'aurais bien aimé que l'autre lui réponde c'est pas possible, je suis encore puceau. Ouais, mais après, bon, je pense que Julien Doré, il s'en fout. Hein. Et puis, ça tombe, c'est peut-être même pas lui qui répond, enfin, entre nous. Peut-être. Avec les services de com et tout ça. Attends 2-3 heures, je fais la route. Mais Julien Doré, ouais, pourquoi pas. Mais moi, ce qui me gêne chez lui, c'est que tout se ressemble, quoi. Enfin, ces titres-là. Les derniers titres, Je pense simplement, c'est quand tu l'as vu à ces The Voice, hein, je me trompe pas. The Voice, c'est la nouvelle star. Ouais. Quand tu vois ce gars-là qui était un ovni, j'en ai déjà parlé une fois. Enfin, quand tu vois comment il reprenait mais tout à son avantage, il a cartonné et il est rentré dans un moule. On lui a dit, maintenant, voilà, tu vas faire ça, tu prends ton petit truc. C'était rigolo, ça, son ukulélé. C'était ce style-là, alors qu'il a repris du Freddie Mercury, il a repris des trucs de malade. C'est un malade mental, ce mec-là. Il était capable d'interpréter des choses. Il me fait penser à l'autre, là. On s'attache, je suis désolé. Non, mais écoute Maé, quand il chantait dans la comédie musicale Le Roi Soleil. Quand t'entends ses capacités vocales, ce qu'il a envoyé, c'était une monstruosité. C'était un mini Malavoine. Il était capable d'envoyer des aigus, des voix de basse. Et maintenant, c'est ta-na-na, ta-na. Il a pris son style, c'est préformaté. J'étais un malade de Maé avant, je trouvais qu'il avait une voix formidable. Et on a perdu des gens comme Lévy, machin, et tout ça, qui ont fait 2-3 albums, ils ont disparu, alors qu'ils étaient capables d'avoir des intensités vocales. Tu l'as vu, toi, Julien Doré? Je l'ai vu. Ça donne quoi? Ça brille. non, c'était sympa. Bon, ça m'a pas surpris, parce que pour avoir écouté un live, on retrouve la même chose. Ouais. Alors, petit reproche peut-être sur les Nuits Secrètes, enfin, c'est un peu le problème de tous les festivals, mais c'est qu'honnêtement, sur les deux scènes sur lesquelles on pouvait participer avec le même pass, franchement, tout était sympa, mais le fait que les concerts se chevauchent, tu sais plus trop où donner de la tête parce que franchement, oui. Limite, il y a des fois des choses que qu'il vaut peut-être mieux découvrir, des justement qui sont pas les têtes d'affiche. Enfin, pour le coup, ça me fait penser au Main Square ou. Je sais pas si vous avez aussi, vu un peu les retours, mais voilà, enfin Radiohead qui était la tête d'affiche. Bon, personnellement, c'est la déception du Main Square, quoi. Donc. Ah ouais, pourquoi? Bah, 2h30 d'un concert, alors il y a quelques personnes qui ont apprécié, ceux qui sont peut-être très fans du groupe, mais là, 2h30 d'un concert vraiment très monotone, très lymphatique, enfin, pas adapté à un festival, moi, à mon sens. Oui, c'est et, ça, aussi adapté. Hein. Bon, d'ailleurs, ils n'ont quasiment pas joué leur titre. Ah, ils ont fait Creep quand même. Non. Ah, ouais, d'accord. Non. Ah, mais c'est gênant. Ça me fait penser, tu vois, c'est le festival des Vierges Charrues en Bretagne, où tu as des têtes d'affiches énormes, et tu changes de scène en scène, mais ça va trop vite. C'est vrai qu'à la limite. Il y a Souchon et Woolsey, ça peut faire sourire, mais enfin, c'est quand même Monsieur Souchon et Woolsey. Moi, je suis pas fan d'eux, mais enfin, t'as Souchon et Woolsey. Et c'est vrai qu'à côté de ça, quand t'as eu Indochine, quand t'as eu Vanessa Paradis, je parle, il y a eu Mika et tout ça, t'arrives avec Souchon et Woolsey, et en fait, ça s'aplatit complètement, t'es plus à l'écoute, tu viens de passer 12 heures avec des concerts monstrueux, et t'as des têtes d'affiche, ils sont, je veux dire, c'est ça, il y a un style à un moment à donner à un festival, et trop le mélange des genres, tue le genre. Ah, c'est ça. Et c'est un peu, je rejoins un peu ce que Flipkat nous disait avec l'histoire des insultes. Sur un des festivals que tu avais fait oui à Tours, l'American Tour Festival, voilà, et bon, effectivement, qui est plutôt axé sur la culture américaine, la country. Je vois pas ce que ça venait foutre à l'affiche. Il y a beaucoup de gens avec qui j'étais, ou même de gens que je croisais, puisqu'on était quand même un bon petit groupe, qui disaient bah ça nous intéresse pas. Il y avait d'autres salles avec des plus petits groupes qui jouaient, elles étaient très remplies, quoi, parce que les gens n'étaient pas venus pour voir les insus. Il y en a qui sont venus très certainement, bien sûr. Un festival de 3 jours, franchement, en milieu de programmation entre ZZ Top et Brian Setzer. Après, dans l'autre sens, peut-être que l'objectif aussi, c'est de faire venir des gens qui connaissaient pas forcément l'American Tour par l'intermédiaire des insus. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Parce que c'est quand même des têtes d'affiche, on va voir les insus, c'est pas n'importe qui. Il y avait la solution. Hein, et voilà, c'est aussi faire venir des gens pour faire découvrir justement l'American Tour. C'est peut-être ça aussi. Ouais, je suis d'accord, mais il y a un format, ce que tu disais. Il y a un format à un moment. C'est ça, quoi. Ils auraient pu programmer autre chose. Il y avait autre chose à programmer. Bien sûr. C'est, je veux dire, c'est, j'ai rien contre, mais effectivement, il y a d'autres festivals. Le festival des vieilles charrues, il y a pas mal d'autres trucs où je les ai bien vus à l'affiche, mais là-dedans, il y a plus d'un de mes amis qui m'ont dit qu'est-ce qu'ils viennent foutre. C'est plus sur format. Je comprends. Je pense à un groupe de Waterloo, décrié ou adulé, et je pèse les mots que je vais dire, et j'en ai parlé, Bangster, d'accord, qui pour moi, Waterloo, c'est un format tellement, c'est une niche, c'est tellement particulier que c'est, quand t'entends ça, c'est inaudible et abject, et c'est un groupe génial et extraordinaire qui revisite en fait un genre où c'est une niche. Et le problème, c'est qu'il faut qu'ils se produisent vraiment à des endroits, j'en parlais avec qui tu sais, j'ai aucune autorité de compétence, mais ne serait-ce que leur son, je me dis le problème, c'est que vous êtes une niche, et c'est quand tu parles et t'exprimes ton texte, en fait, c'est assez savoureux, c'est complètement barré, vous êtes des mecs, des malades mentaux, c'est insipide et c'est génial. Le problème, il faut vraiment être dans ta niche, c'est le cas de le dire. Oui, c'est ça. Parce que t'as un public qui est pas du tout averti, qui est pas du tout. T'envoies ça, c'est. Exactement. Mais c'est qui ce groupe-là? C'est n'importe quoi. Et c'est du n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est génial. Parce qu'en fait, c'est loin d'être con et c'est pas mal travaillé, mais les gens peuvent. Ils n'ont pas l'oreille pour l'écouter à ce moment-là. C'est ça, c'est pas. C'est un mauvais ciblage. Parce que c'est assez particulier, j'ai bien aimé. Mais... Un groupe qui viendra très certainement, bien évidemment. Et j'espère qu'il y en aura. Bien sûr, les Bangsters. Avec Jean-Loup et toute sa bande, et puis Lorraine, évidemment. Qui viendront nous présenter Bangsters, parce qu'ils ont pas mal de dates au programme pour la rentrée. Donc, c'est des ovnis, c'est inécoutable, c'est génialement écoutable, c'est vraiment une niche, c'est une niche. Et je voulais rebondir encore sur les insus, d'autant plus que pour le festival tu avais des passes, le pass était 55 euros. Pour voir les groupes individuellement, donc il y avait ZZ Top le vendredi soir, c'était 65 euros. Hein, donc je présume que pour les insus ça devait être un peu le même tarif, puisque même pour les insus, voilà. À ce moment-là, bon, je suis certain qu'il y a des gens qui sont que fans des insus, et pas spécialement des Z-Top, qui ont dû venir probablement. Mais est-ce qu'ils ont fait autant de kilomètres pour voir les insus payer 65 euros, sachant que le pass que pour le reste, ils ne sont pas forcément intéressés, tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est difficile, Je sais pas. Alors, je sais pas, au niveau de la programmation, il y a... Mais cela dit, je ne reviens pas sur l'organisation, c'est quelque chose de grandiose, je ne pensais pas que c'était aussi... Voilà. En espérant qu'à l'avenir, l'affiche sur les 3 jours, il y aura une programmation digne de l'image du. Faut pas oublier, à la base, c'est de la country. Quoi. Alors, moi, je reste sur mes positions. Je dis que les insus dans ce type de festival étaient un produit d'appel, peut-être. Mais justement, alors, je serais curieux de voir, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Quels sont vraiment les gens fans des insus qui sont venus et payer 65 euros pour aller uniquement le samedi soir voir les insus à cet endroit? Voilà. Ouais. Sachant ouais. qu'ils peuvent se produire ailleurs. Ouais, je suis assez d'accord. Tu vois, c'est comme tu fais un festival. Moi, je suis passionné de Jimmy Somerville. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu dis, je veux dire n'importe quoi. À Tourcoing, tu fais un truc de 3000 personnes, mais tu mets comme guest star Jimmy Somerville. Ça va déplacer tous les quarantenaires et cinquantenaires. Bien sûr. Mais c'est vrai que si à côté de ça, tu mets tous des groupes qui tiennent la route, ça peut être des niches. Ça peut être sympa. Oui, oui. Tu les écoutes dans un cabaret, vous êtes 80 personnes, c'est très particulier, mais tu dis, ça tient vachement la route parce que tu es dans l'ambiance, ça peut être bien. Mais tu arrives à 14h pour attendre Jimmy Somerville. Qui arrive en retard à 21h, c'est et vrai que tout le reste, tu dis, t'as intérêt que ça tienne quand même la route parce que sinon, ça fait cher. Mais c'est aussi. Je l'enlève, petite précision, je ne dénigre pas leur talent. Non, attention, bien sûr. Mais c'est un peu aussi le principe des festivals. Mais... Moi, perso, j'aime pas. Stéphane, je le disais si justement, tout à l'heure, il nous parlait des Nuits Secrètes. On passe de Julien Doré à une scène techno. Ouais. Bon, voilà, il y a quand même aussi. Il y a un contraste, comme un choc thermique. Sauf que Nuits Secrètes, je pense qu'il n'y a pas de thématique particulière. Voilà, American Tour, évidemment, c'est tout ce qui tourne autour de un peu de l'ambiance américaine, des genres de choses. Je peux comprendre. Pour terminer, quand tu vois rien que dans l'émission, non, mais c'est vrai. Je vois ta culture, je vois celle de Sherlock, Flipkat, Saniche, tout ça. Moi, ce que j'aime, on est diamétralement opposés. Ouais. On est tous entourés autour d'une culture. On se fait un concert, on part ensemble. Là, on met 200 balles, on part en quart. Bon, on va boire et faire la fête. Mais à part ça, il y aura certains trucs où parfois, il faut vraiment que c'est quand même un ensemble, c'est-à-dire un festival qui tourne autour d'un thème. C'est vrai, si c'est complètement différent, moi, à la limite... Les écharus, c'est le principe, c'est un peu différent. Ils essayent quand même de fédérer à des groupes plutôt rock. Ouais, c'est quand même plutôt... C'est plus orienté rock, quand même. Ouais. Voilà, c'est rock festival, quand même. Mais c'est vrai que, bon, à côté de ça, Vanessa Paradis fait un concert où tous ses fans applaudissent, et à la fin, elle commence à parler au micro pendant plus de 10 minutes sur Sauver les ours, Brigitte Bardot, et Sauver les trucs. Ouais. Elle s'est fait siffler dans tous les coins pour un groupe qui arrive... T'adorais techno qui envoie la pêche, alors tout le monde se met à danser. Après, c'est vous le dites Souchon, tout le genre. Je veux dire, c'est pourtant, t'as quand même vous le dites Souchon. Après, t'as monsieur Mika. Bon, c'est qui? C'est Mika. Voilà, ça fait un peu les montagnes russes. Ouais, ça fait les montagnes russes. C'est que parfois, tu bois de la bière. Aussi, pour faire boire les gens. Moi, j'étais défoncé avec ça, paradis. Bon, et bien écoute. On va se faire une petite deuxième session. Alors on va enchaîner, on va essayer de plus bugger, on verra bien. On va plus toucher la table. Et merci encore pour ce magnifique tirage au sort, ça promet. Ah mais c'était de tout cœur. Oui, j'ai remarqué. Ça y est, il veut savoir. Ça va être. Tu vois, il commence à connaître ça. Ouais. Bon, on va y aller tranquille. Vas-y quand tu veux. Bon, On y va. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta ta ta. Moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento lei in un lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai. Mi è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versata

vous êtes toujours sur RQC. Non, c'est 80 à l'heure. Enfin là c'est plus 160. C'est ça ouais. Et même pas. C'est 90, c'est 90 à l'heure là. Hein. Eh ouais, au moins là. Non mais c'est vrai que la chanson, on dirait vraiment qu'elle est accélérée. Alors, il y a 7%. Alors je vais le remettre. Je te le remets à zéro. Ouais. Sans vraiment avec le BPM normal. Il y avait juste 7% de plus là. Il faut attendre la voix peut-être. Ouais bah oui. Maintenant remets-le à 7% mais fais-le graduellement. Tu... Là je suis à 2% là. 2%. Ouais là ça va. 200. 5. Là, je suis à 7. Ouais. Tu sens déjà que le gars, il a envie de finir, quoi. Ouais. Il a envie de chier, le mec. On va faire autrement. Il y a la vie en piste, vous voyez, hein. Normal. On y sait, j'ai envie de finir. Ah ouais, là, le timbre non corrigé. Un petit cours technique. Ouais. Timbre non corrigé, accéder à 7%. Timbre corrigé pour avoir de la tonalité d'origine. Oui, voilà. Plus connu, c'est les chanteurs. Bon, on arrête là. Belle session, belle session. Et ben voilà, belle session. Hein. Merci, au revoir, à la prochaine. Là, on va repartir avec encore de la musique, oui. Forcément. Oui. Et avec musique. La musique de Flip 4. Yeah! Oh yeah! On a le temps d'aller boire une bière. Il suffira la signe. Matin. Il suffira la signe. Matin. Allez, vas-y, Philippe, attendez. Allez. C'est parti. Alors, la fois dernière, on avait passé un groupe qui s'appelait donc les Baseballs, qui oui. Était gentillés, on va dire, qui ont fait. Beaucoup de covers donc de reprises. Alors quand tu dis gentil, c'est parce que t'aimes pas tellement en fait. C'est bien, mais ça manque un petit peu de pêche quoi. Voilà. D'accord. Hein. Et je vous avais parlé donc d'un autre groupe qui est un peu plus, on va dire dans la trempe de ce qu'on aime. D'accord. Ouais, c'est bon. Dans la trempe de ce que tu aimes, attention. Oui, on commence vraiment à se démarquer un petit peu de ce que vous avez l'habitude d'entendre, notamment avec les. Je parle toujours des forbons, là, je sais plus. Ouais. Oui, c'est toi qui le dis. Les forbons, hein. Les forbons. Les forbons, c'est ce que j'y disais, hein, donc je ne m'étais pas trompé. Hein. Voilà. Alors, bah, je vais vous parler des rockers, des rocker covers, pardon. Alors, le titre, en fait, c'est un. On peut jouer, c'est un jeu de mots, en fait. Mmh. C'est le premier sens, on va le prendre tel que ça devrait être traduit, c'est-à-dire les reprises des rockers, ouais. Covers reprises, les rockers, donc les reprises des rockers. Mm-hmm. Et le deuxième terme, c'est un terme technique puisque c'est mécanique, c'est les cache-culbuteurs. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est que des cache-culbuteurs, mais c'est ce qui couvre le dessus des moteurs de voiture là où on met l'huile. T'as un bouchon sur ta voiture, tu mets l'huile. Ça t'arrive d'en mettre ? Non. Ou alors tu fais comme les blondes, c'est-à-dire que tu verses l'huile sur tout le moteur. Ah oh ouais, j'ai vu ça. Voilà. Voilà. Donc c'est ça un cache-culbuteur en fait. Voilà. Ok, super. Bah, ouais, et pourquoi ? Parce que les cache-culbuteurs, il faut savoir que dans les années 50, il y avait un sport. C'était un jeu. C'est déjà exceptionnel que Canon ne commande pas le fait de parler de culbuteur. Et que... ouais. J'appelle ça un slip. C'est un cache-culbuteur. Je suis désolé. Pour une fois qu'il était ça, je n'étais pas gentil. Je suis content de savoir que je porte des cache-culbuteurs. C'est ça, ouais. Et en japonais, on dit sakakiki. Ouais. Sakayoyo. Voilà. Ce bouton grand capot. Non, je connais pas cette version là. Sakayoyo et bottes de cuir. Hein. Ouais. Donc c'est un groupe anglais, de jeunes anglais, puisqu'ils ont quand même moins de 30 ans. Encore maintenant ? Oui, tout à fait. Mais le groupe a été fondé en 2010. Ah d'accord, récent. Là. Alors ce qui les caractérise, ce sont aussi des reprises. Toutefois, il y a un peu de tout. Il y a des années 80 et années 90. Je vous ai fait une sélection, principalement des reprises pour les plus connus de Lady Gaga, Green Day, Beastie Boys. Mm-hmm. Oui. Alors, on va commencer avec un titre. Je vais vous laisser deviner. Vous allez le reconnaître. Ouais. Je ne vais pas vous donner le titre tout de suite. D'accord. Et vous me direz qui c'est. imagination to the new mayor. Can't hear the sound of hysteria. A subliminal mind trick America. Pour la cause, j'aurais dû, ouais, je sais, je m'en compte, j'aurais dû mettre l'original. Je sais, je... Alors c'est quoi L'original après, je veux dire. Ouais. Bah, c'est un morceau de Green Day, c'est American Idiot. Ah ouais, d'accord, je connais pas Green American Day déjà, Idiot, donc. Non. Sérieux? De non, mais après le groupe, non. Non. Si. Green Day? Ouais, non. Ah, quand même. Non. Non. Nicolas, c'est du rock, rock californien. Ouais, ouais, ouais. Pas mal. Pas mal. Un peu ouais, punk non, rock. J'ai déjà entendu parler, mais non. Pas mal, c'est pas mal. Voilà. Donc ça c'est dans un style par rapport aux baseballs où c'était assez gentil encore. Ouais. C'est franchement c'est du rockabilly. Voilà. D'accord. Ouais, mais dans c'est le ça, style. Je pense que c'est parce que c'est plus proche du rockabilly que, voilà, voilà. Que les baseballs. Alors ensuite un autre titre, je vais vous laisser deviner encore une fois. Ah, là tu pourras, t'as pas d'excuses. Là c'est un titre années 80. Ouais. Okay. C'est années 80, tu dois connaître. Allez. They are gone. Back at Facebook's in software. Flash the message. Something's out there. Floating in the summer sky. 99 red balloons go by. 99 red balloons floating in the summer sky. A panic lights it's red alert. Something in the summer sky. Donc, de Nena. Ouais. Qu'ils ont rebaptisé puisque le chant en anglais est 99. J'allais dire en allemand 996. Ouais, voilà. 99 red balloons. Ah, d'accord. Je te remercie, c'est une découverte. Ça, je savais absolument ouais. pas. Ah, bah oui, vous le saviez ? De quoi ? Que c'est, bah, ça venait d'un titre. Bah, des mots, c'est pas un blanc. Non, oui, c'est que ça venait. Hein. Quoi, la reprise de... C'est une reprise. Attends, de là c'est la reprise. C'est eux qui font les covers. Ah, c'est... Oui. Non, mais depuis tout à l'heure je suis, mais là c'est une reprise. C'est eux qui le font, c'est toujours le même groupe. Je marais comme une baleine. Je croyais que là c'était. Mais si, depuis tout à l'heure. Non, c'est toujours comme les baseballs. Justement, mais oui, je suis des covers. Ils font que des covers en fait. Ah oui, d'accord, non, mais là j'ai. J'étais convaincu que. On remet les choses en ordre. Hein. Non, mais. C'est bien, mais l'origine, c'est mieux. Putain, c'est lui qui me sort ça l'antenne. Connard. Mais ce qu'a fait ta gueule. Oh putain. Je ne dirais qu'une seule chose. What else? Ah, elle est bonne. Excellent. L'hôpital du spot de la charité. Alors, suivante. Oui, donc ça. Je me rappelle quand j'ai arrêté de fumer. T'es trop excellent. Donc le groupe à l'origine c'est bien Nena avec oui. Nine Unknown Six Love Balloons oui. en chantant en allemand. Eux l'ont repris en anglais. Oui d'accord, mais je suis ta chronique, mais là je croyais que c'était le contraire. Et avec le titre en anglais bien entendu puisque c'est pas Nine Unknown Six Love. Et là, c'est 919 Red Balloons. Ouais. Qui, n'empêche, en allemand, veut dire 99 ballons de baudruche. Ouais. Oui, tout à fait. Et non pas des 99 ballons, ballons rouges. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Mm-hmm. Ah, quoi qu'on a eu pire, hein, on a eu des primes. Oui, c'est vrai. Le sous-marin vert qui oui, est le sous-marin jaune. C'est exactement ça. Le sous-marin des Beatles. Je trouve que celui-là est encore mieux, le sous-marin. Il y a le sous-marin qui est devenu le sous-marin vert. Ouais. Vert, pourquoi, je ne sais pas. C'est terrible. C'est l'oxydation, ça, avec la traversée de la Manche. Avec le corbeau noir, là aussi, c'est pas mal. On devrait. Le corbeau noir. Si, Ringo. J'en parlerai. Après les vacances, je vous ferai. Vidéo Kill the Radio Star. Mais ça serait bien avec les auditeurs de faire vraiment un vote parce qu'on est tous partagés. C'est vraiment le bid, le nanar planétaire de l'émission 80 à l'heure, il faudra vraiment qu'on se la trouve. Déprime, c'est vraiment qu'ils sont vraiment mauvais. Je pense que c'est le pire. Entendu. Ah, celui-là. Ah, c'est vraiment déprimant. Onissa, pour les auditeurs, c'est Onissa se dit je sais pas de quoi on parle, c'est en fait des reprises improbables et vraiment insipides à vomir des plus grands titres planétaires ou du moins européens au moins on va dire qui sont repris d'une façon par des chanteurs français chanteurs français avec des titres tout ça mais c'est une horreur c'est un exemple Sex Crime qui est repris par Sylvie Vartan et qui le titre c'est Déprime. Déprime. Ouais. Si tu peux si je tu l'ai peux, hein, tout à l'heure bah pour les audios tu peux la lancer regarde écoutez ça et après on vient comme il y a Voilà ce qu'on a fait. Écoute bien. Ah, bon. Là, tu te dis que là, quelque chose va bien se passer. Ah, toi, sur la piste de danse. écoute. Elle est quand même balèze, Sylvie, parce qu'elle arrive à faire rimer des primes avec aspirine. Je sais pas, c'est quand même. Faut qu'on voit qu'elle n'a pas mis cyprine, hein, mais bon. Ah non, il y avait longtemps. Non, c'est sympa d'accepter. Grâce à RQC, on va faire tomber quelques droits par la Sabam. Allez, Philippe, continue. Non, c'était un petit aparté, vas-y. Non, mais c'était sympa parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et je suis content qu'il ait. Il y a même des titres que je n'ai pas découvert que tu as fait dernièrement, là. Ouais. Je pense que tu nous en feras encore. Je crois qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Allez, on va passer au titre suivant. Ben, je vous laisse deviner encore une fois. Et franchement, j'ai dû faire une sélection parce qu'ils en ont fait deux albums, rien que des reprises. Et très franchement, le. Et c'est leur style, c'est-à-dire qu'ils font que des reprises. Il y a pas de essentiellement, oui. D'accord. Essentiellement. D'accord. Alors là, par contre, vous allez comprendre un petit peu la finalité du truc. Si je vous passe le morceau, mais probablement, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on a souvent parlé de covers et de mashups, vous allez comprendre pourquoi. Ça, vous connaissez ? Oh, yeah. Vous avez reconnu Roxanne de Police, ah oui, d'accord, on est bien dans les années 80. Et dans les années 80, j'en parle jamais, mais là je fais une petite aparté. Ça c'est les Stray Cats 81 avec ce titre qui a eu son succès aussi, Stray Cats. Maintenant, on va parler de mash-up, on a parlé hors antenne, voilà ce que ça donne, revisité par les rockers. Alors rappelle-nous un peu le mash-up, le principe du mash-up. Eh ben, ils ont repris donc la musique que vous venez d'entendre, uniquement la partie musique, oui, des Stray Cats. De Police, de Stray Cats, d'accord. Stray Cats, qui s'appelle Stray Cats Strut. Ouais. Et ils vont jouer avec les paroles de Roxanne. Ah, bien. Le principe du mash-up, tu peux nous en parler, Stéphane, puisque quand tu fais le mix, hein, par rapport, tu parles des tonalités, oui. Tu baisses de la tonalité, tu baisses le rythme, et tu cales, mash-up, en fait. Tu mélanges différents morceaux, mais c'est vrai que tu peux extraire la voix d'un côté, et puis l'instrument de l'autre. Et là, c'est un mix des deux titres que je viens de vous passer, et ça vous donne ça. D'accord. to the night, Roxanne. You don't have to wear that dress tonight. Ah ouais, ouais. Ça, bon, ah, ouais, j'adore. Ah, c'est bien, ah, c'est bien. C'est ouais, ouais, bien. Belle découverte. Bah, ça me fait penser aussi un peu quand c'était la BO de Moulin Rouge aussi, où il y avait une reprise aussi de Roxanne. Oui, comme ça, enfin, avec un, une beaucoup musique plus lente, ouais. Différente et, c'est vrai. Bah, qui n'a rien à voir, mais voilà. Allez, c'est voilà. Ça, j'adore. D'ailleurs. Ça, j'adore. Et il y en a plein d'autres, mais ouais. j'ai dû faire un choix parce bien que sûr. J'aurais pu mettre 10-12 titres encore. Alors après, il y a un autre titre. On va toujours jouer aux devinettes. Ouais. Allez, on va passer au suivant. Alors. I've been watching you. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Voilà. Ah ouais, Inner Circle, ah ouais, évidemment. Ah ouais. Suite. Alors ça s'appelle. Oh là là là là. Long. Ah là là là. Oh là là là. Oh là là là. Long. Inner Circle. Ouais. Et puis ben on va terminer avec un autre titre. Oui. Comme on l'a vu, tu connais. Bon ça c'est pas 80. Oh oui, je pense il est connu, il est très connu. Mais il est plutôt 90. Non, année 2000. Carrément. Ouais. Ah ouais, ouais, année 2000 celui-là. 90 2000. Non, 90 2000. Ouais. Allez. Allez. Oui, puisque c'était donc un titre de James Blunt, effectivement. Qui en Angleterre est baptisé James Cunt. Et je vous le traduirai pas. Oh, ah, bah, je peux te traduire, hein, si tu veux. Ah, c'est vrai. Connotation un peu. Mais sexe, traduisez, hein. Traduisez. Oui. Ah, bah, je crois que c'est clito, non. Bah, Cunt, c'est le. C'est la désignation un peu plus vulgaire de la femme, du sexe de la femme. Ouais, c'est ça. Hein. Quand ouais, on dit vrai. Un mec, you're a cunt, c'est. T'as une bête. Le sexe non, de la femme, ça s'appelle un cerveau. Non, hein. Mais, sinon, en bas, c'est clito. C'est les mecs, hein. Voilà. Ok, eh ben écoute, c'est une belle découverte. Hein. Écoute, j'ai pas ah ouais, bah, franchement, j'étais étonné que je pensais pas. Le nom du groupe. Rocker Covers. Ah, c'est pas mal. Et ouais, il passe en France en novembre. D'accord, où ça? Alors, il y a une première date et je pense qu'il va y avoir quelques dates supplémentaires parce que j'ai vu qu'il joue en Allemagne. Ouais. Hein, donc, c'est vachement toutes la dates France, sont. Ouais. Oui. Pardon. C'est vachement la France. Ouais. Non, mais c'est souvent comme ça, c'est que il y a d'autres dates qui viennent se compléter sur le. J'ai regardé sur leur page. Ouais. Parce que là, pour l'instant, c'est dans l'est de la France, donc ça fait un peu loin. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais je dirais que je vais essayer de rentrer en contact parce que ici, mon beau-frère tenait un relais motard où j'ai déjà eu l'occasion d'organiser un concert et le gars qui a repris, c'est une connaissance. Lui-même joue dans un groupe et m'a sollicité donc pour faire venir des groupes et je vais essayer de faire venir entre autres des groupes d'outre-Manche. Mmh. Et okay, j'ai pensé à essayer de les contacter mais toujours en profitant qu'ils soient dans le secteur aussi, je ne vais pas les faire venir évidemment voilà. Donc les Rockers Cover, hein, c'est ça, hein. Ouais. Eh ben écoute, c'est une belle découverte. Ouais, franchement, ouais. Excellent. Eh bien, il est 22h, je dis donc. Je dis donc. Ouais. Donc. On a perdu un petit peu de temps sur la chronique de Nissa. Bah ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Ce qu'on va faire, on va c'est bizarre. On va faire le tirage au sort, certainement peut-être de la dernière session de Stéphache. Allez-y, allez-y, tirez. Allez, on va tirer au sort. Allez, on y va. Faites-vous plaisir. Allez, on se fait plaisir, on y va. Pop, pop. Alors, si je peux avoir des trucs plus faciles à mixer pour moi terminer tranquillement. Bah non, attends, ouais. C'est fini les vacances, hein, Stéphane. Ah ouais, j'ai. Alors, non, c'est pas encore. Ouais. Je commence par. Oh là, dis donc. Bah, ouais, oh là là. Ça m'a barré, c'est mal barré. Albano et Romina Power avec Tout Sol Tanto Tout. Wow. Ça, non. Je connaissais Félix Chicham alors. Mais vu le nom, je vois bien. Des chances. Mais moi, je connaissais un autre titre de ce duo, mais c'était Felicita, je crois, l'autre. Pardon. Albano et Romina Power, c'était Felicita. Ouais, Felicita. Felicita. On va terminer tranquille. Alors le suivant, Yana Katsulo avec Les autres sont jaloux. Ah, yeah. Oh là là. Voilà. Cherry baby. Il y a Katsulo. Ouais, ouais, il reste plus beaucoup de bière au bar. Hein. Alors moi j'ai Dire Straits, Walk of Life. Ouais. Walk of Life. Tu peux éviter le taillandais. Ah oui, ça me parle mieux comme ça. Alors, ça c'est 80 ça. Et après, c'est tout juste. Je dois dire fin 70. Ouais. Non. J'ai Lionel Richie, All Night Long. All Night Long. Ah, c'est de l'anglais. All Night Long. Mais j'ai jamais dit que je parlais anglais. Moi. Ah, bah non, mais t'avais pas besoin de le dire. Hein. Ah, bah espagnol. J'ai pas besoin de le dire. Alors, suivi du. Mais je m'en fous. Cuisinier des bois. Ouais. The Cook Robin. Donc, The Promise You Made. Ah, ouais. You Made, ouais. Ouais, t'as dit, c'est The Promise You Made. The Promise. Je t'ai jamais aimé, de toute façon. J'adore ce morceau. Non, mais je te le dis maintenant, c'était. Non, mais c'est vrai, je vais essayer de pas trop le saccager. Ensuite, Étienne Dao. Caribbean Sea. Ah, il est bien sûr. Comment c'est Étienne Dao, c'est quoi le titre? Caribbean Sea. Je vais te faire Caribbean Sea. En français. Caribbean Sea. C'est un titre en anglais, je connaissais même pas. La mer caribéenne. Mais ça aussi, c'est. Ça aussi, c'est slow. Je vais me marrer pour que c'est slow. C'est vrai, celui-là, c'est un très très beau slow. Ah bah, c'est un truc, tu fais quatre enfants. Ouais, Caribbean Sea! Ça, c'est Étienne Dao après l'opération des testicules. C'est ça, ouais. Ça me dit rien du tout. La chanson est connue ou pas? Oui. Ah bah, comme ça, je la connais, celle-là. Ça, c'est Étienne Dao dans le cul. C'est ça, Étienne Dao. Ne confonds pas. Les quatre. Ne confonds pas que When the Can Get Touch, Get Touch. Ah, non, c'est bon, oui, non. On a ces titres. Ok, on a les titres. Ce qu'on va faire, c'est que. Avant que Stéphane se prépare, évidemment. Et bien, on va faire un tour. On va assister à la chronique estivale de notre ami. On enchaîne tout de suite. Sherlock, bah ouais, allez, vas-y. Alors, attends, parce que de ce côté, il faut que. Tu m'en voudras pas si je t'écoute pas. Non, non, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai l'habitude. Calimero sort de ce corps. D'ailleurs, pendant que tu fais ta chronique, on va tous aller au bar si ça te dérange pas. C'est ça. Bah, au moins, tu pourras la faire. Excuse-moi, mais là, oui. Non, non, il n'y a pas de problème. Attends, c'est parti. Hop. Tac, et voilà. Petite. Musique petite d'ambiance. Jingle estival, vacances, j'oublie tout. Moi, dans une semaine, je l'aurais complètement oublié, de toute façon. Donc voilà. Bon, allez, hop, ça c'est fait. Voilà, c'est parti. Et les paroles seraient plus entre les chroniques de Sherlock, j'oublie tout. C'est pas la peine du tout. C'est pas faux. Donc là, je vais vous parler des samples. Alors, les samples en anglais. Samples. Donc, c'est un morceau de chanson qui a été repris et qui est utilisé dans une autre chanson. Ouais. Et donc, bah, pour ça, je vais vous passer des petits extraits. Donc, toujours avec. J'ai mixé tout de suite après le morceau d'origine. Oui. Donc, c'est d'abord la chanson qu'on connaît, on va dire. Qu'on connaît plus maintenant avec la chanson d'origine juste après. D'accord. Donc c'est d'abord Ouais. Donc là par exemple. Donc c'est des titres d'aujourd'hui, enfin alors, plus récents. Il y a du 80, il y a d'aujourd'hui, mais qui reprend du 80. D'accord. Ah ouais. Ok. Voilà. Alors je vais commencer avec Black Box et Ride on Time. Ah ouais. Et ouais, Ride on Time. Écoutez, donc ça c'était. Il y a trois petits mix dessus qui reprend. En fait, c'était un titre de L'Oleata Holloway qui date de 1980. Qui s'appelait Love Sensation. Ah écoutez. Bon. Alors là, le sample, vous allez me dire, mais c'est quoi? Bah, c'est juste le. Ouais, c'est juste le. Ah, oh! Ah! C'est juste. Je l'ai pas fait dans la tonalité, mais. C'est un sample, alors ça. Ça, oui. C'est un sample. Ah, ouais, ouais. Alors, bah, un autre sample, et là, on va mieux s'en rendre compte. Toujours avec la même partie de chanson, écoutez. Mais là, par contre, ils reprennent le truc qui monte un peu le. Nanananana. Écoute. Yeah. c'est juste qu'un bout de la chanson. C'est un bout de la chanson. En fait, ils ont récupéré la voix. Pour cette partie-là, ils ont récupéré la voix de Loleatta Holloway, ouais. Et ils l'ont remis en fait sur la chanson de Black Box. Donc ça veut dire que celle de Black Box chante pas en direct. Non, elle chantait pas. Non. Ah oui, d'accord. Ok. D'ailleurs, il y a eu un procès qui a été fait au producteur de Black Box, ouais. Parce qu'en fait, il n'avait pas reversé les droits à Loleatta Holloway, en pensant que la chanson s'appelait Ride on Time, oui. Donc il avait reversé soi-disant les droits pour Ride on Time, alors que la chanson s'appelle Love Sensation et dedans elle dit Right on Time. Donc, mais okay. avec la prononciation, le producteur a dit ah oui, mais j'ai pas compris ça. Donc, oui, voilà. Bien enfin, sûr. Bref, ça s'est réglé quand même à l'amiable après. On ne sait pas pour quel montant, mais ça s'est réglé quand même. Et un troisième petit extrait toujours de cette chanson, c'est celui-ci. Excuse-moi, mais on entend bien Ride of Time. Ride. Ouais, mais c'est la prononciation en fait qui fait ouais, ça. Ouais, mais ils le font bien. C'est ouais, Ride on Time. Ouais. Ouais, bah donc elle a gagné, c'est bien. Alors là, on va passer avec Bob Sinclar. Vous connaissez Rock, ouais, Rock This bah Party, ouais, c'est super connu. Ouais. Et bah écoutez, c'était ça. Yeah. Alors c'était une reprise de qui alors Bob Alors Sinclar ça c'était une reprise de C plus C Music Factory. C&T Music c'était Factory, ouais. Everybody Dance Now, c'était en 90. J'allais dire en 1900, même fin 89, novembre, ouais, etc. Ouais, ouais, je te le dis pourquoi, mais je te dirai pas pourquoi. On le dansait dans les... je peux pas. Non, ouais, bah là vous non, vous vous trompez complètement et c'est plutôt beau. On dansait ça et sur la version originale et ça cartonnait ah oui, du bah, feu ouais, de ouais. Dieu, du feu de Dieu. Ah ouais, et on a c'était... aussi dansé sur la version de Bob Sinclar qui a aussi. Je crois cartonné. Qu'en boîte on repasse jamais les mêmes titres sauf un ou deux. Je crois qu'il passait 3 à 4 fois. Oh, c'était possible. Une tuerie. Ce... Alors pour ceux qui connaissent Coldplay parce qu'ils ont fait des concerts il y a pas très longtemps, ils ont chanté la chanson Talk en 2005 et c'est une reprise, enfin il y a un morceau, un sample de Kraftwerk de Computer Love de 81 et ça donnait ça. Kraftwerk, c'est pas années 80. Si, ça c'est les 81. Ah ouais. C'était la première musique expérimentale avec des claviers qui ont donné à Jean-Michel Jarre l'envie de, avec un Jupiter, de créer des samples. Et par rapport à ça, c'est fâche et moi. Bien sûr. Ah, Jupiter. C'est fâche. C'est fâche. Et non pas de l'autre. Ah, pardon. Kraftwerk. Oui, oui. Kraftwerk. Oui, évidemment. Qu'est-ce que tu veux que je te... Putain, mais c'est pas là. Maître DJ, sur son arbre perché, tenait dans son bec. Et écoutez, parce que... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors là... Kraftwerk, merde. Là, je vais passer sur une chanson. C'est David Guetta avec Money en 2004. Ouais, bah ouais. Écoutez bien, c'est un sample de... Ah bah, Floyd. Non, pas du tout. Jean-Jacques Goldman. Ah. Et c'est de quand la musique est bonne. C'est écoutez. She don't care about education. Money is her motivation. He don't live but love and passion. When he can buy his satisfaction. Money. J'ai trop saigné sur les Gibson. Ouais, mais c'est sûr, mais quelque part, si c'est un DJ, donc forcément il sample. Bah oui, forcément, donc, ouais. Forcément. Bah, c'est comme Bob Sinclair. Ouais. Tu aurais passé David Guetta, The World Is Mine, c'était Simple Mind. Dépêche Mode. The World Is Mine. Simple Mind. Dépêche Mode, non. The World Is Mine. T'es sûr? Non, celui-là, je l'ai pas repris. Juste la boucle. Live Kicking, je crois, non? Alors. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. Là, c'est une niche qui a connu cette chanson. C'est Gunther avec Ding Dong Song. Ah, Gunther. Tu connais pas, moi j'ai connu. Y'a Gunther. Et je vous invite à aller voir le clip, c'est quelque chose. Donc Ding Dong Song, et c'est un sample de Phil & Co. qui s'appelait Tralala de 1984. Et alors ça n'a rien à voir, mais alors du tout, écoutez. Oh, you touch my tralala. Donc je vous laisse deviner ce qu'est le tralala, hein, You Touch My Tralala. Ouais, ouais. Mais je connaissais absolument pas, moi. Vous connaissiez, vous Ah bah moi, Gunther, oui, j'ai connu, ouais, parce que Gunther. Je tombais sur un clip, en fait, il y a quelques années, et j'étais mort de rire en voyant le clip. Ah ouais, bah j'imagine. Je pense que c'est toi qui m'as donné la faute quand on a parlé. C'est bien possible. Alors, ensuite, vous connaissez LL Cool J, le rappeur, avec les Boyz II Men. Ah oui. En 95, ils ont repris, c'était la chanson Hey Lover, et c'est une reprise de Michael Jackson qui s'appelait The Lady in My Life de 82. Ah bon. Et c'était ça. Et j'en ai loupé un, j'ai dû me planter quelque part. Ouais. Ah non, autant pour moi, c'est Jean-Jacques Goldman, Puisque tu pars. Ah oui, ah oui c'est et c'est vrai. Une reprise, le tout début, c'est une reprise de Pink Floyd avec Is There Anybody Out There. Ok. Is there anybody out there? Ah bah écoute, moi je vois pas du tout la similitude. Ah, vois, c'est exactement le même. L'intro le son, c'est exactement le même. J'ai rien capté du tout. Alors, honnêtement, tu peux nous le remettre ou pas? Je le remets. Donc, alors là, le premier, c'est Jean-Jacques Goldman, c'est le début de Puisque tu pars. Oui, non, ça je suis d'accord. Et après, écoute bien, c'est exactement le même. C'est exactement le même. Première note, ouais. Écoute. Je suis pas convaincu, mais bon. Si, sûr et certain. Ouais, hein. Mais là, on pinaille un peu, non? Hugo, c'est exactement la même chose. Non, c'est exactement le même. C'est parce que j'ai pas l'oreille assez affinée, je crois, mais. Je suis dubitatif. C'est exactement la même chose. Ouais. Mais de là parler de sample, ça paraît. Bah écoute, je t'enverrai le podcast. Tu pourras découper les deux parties, les replacer l'une au-dessus de l'autre, c'est le même. Non, mais c'est ce qu'on appelle un synthé atmosphérique. C'est au départ, il met boum. Non, mais c'est une basse. Ouais, mais c'est la basse. Boucle, c'est vrai que. Ouais, c'est non, vrai, non, non. Elle intervient. Non, il y en a. Je suis un malade mental de ça. C'est les trucs, les accords. Mais là, bon, je suis d'accord. Hein, mais après, comme tout à l'heure, je te disais. Attention, c'est. Goldman a repris aussi plus de 3000 titres en rock. Parce que c'est une basse standard. Hein. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam as long as I can remember. You're all a real man can need and ever ask for. Ouais. Ça ouais. C'est le même, c'est juste que la musique est plus ralentie en fait. Ouais, d'accord. Donc attends, parce que je prépare mes pistes à l'avance. Ensuite Madonna, bon, celle-là elle est super connue, Hung Up. Ouais, Madonna avec ABBA évidemment. Ah oui, c'est une reprise de ABBA. Ouais, mais là c'est flagrant. Hung Up. Ah oui, flagrant. Alors pour moi c'est un bootleg. Oui, tu as raison, mais tu as ouais, raison. Bon, c'est hein. Alors moi j'en ai un avec cette avec la version Madonna plus New Order Blue Monday. Oui. Ah ouais. Mais là qui devient mashup, Bah franchement là ouais. Par contre le premier tu as raison, ça bootleg, ouais. Parce que les paroles qu'elle chante en fait ont été écrites pour cette chanson, mais cette chanson a été écrite par rapport à l'orchestration du groupe. Ouais. Ça peut pas être un mashup puisque c'est une nouvelle chanson. Ouais. Elle a interprété sur voilà. Un mashup, c'est plus un montage de différents de deux titres qui existent. On avait déjà eu un petit débat au sujet des bootlegs. Ouais. Je suis pas d'accord sur la définition de bootleg. Ah. Alors parce qu'à l'époque du vinyle, un bootleg c'était un enregistrement piraté du groupe qui était pressé sur vinyle et distribué par une maison de disques pirate. Alors effectivement, je pense que c'est alors ça vient de là, c'est parce que c'est vrai que souvent les morceaux qui ont été sortis comme ça et je pense au début. Il y a eu une reprise de Madonna, Madhouse, qui était sortie sous un white label, donc vraiment fait, c'est ça. Sans nom d'artiste, et c'est vrai qu'on appelait ça un bootleg. C'était en très peu d'exemplaires, c'est de la centaine, ça dépasse jamais 500 exemplaires, ce sont des maisons pirates, ils font ça avec les moyens du bord. Il y en a qui étaient franchement très balèzes, avec des captations, des prises de son, c'était pas sorti des tables, hein. Mais franchement, avec un bon son, et c'était bien entendu, 99% du temps, c'était uniquement du live. D'accord. Et ça, c'est un bootleg. Alors, peut-être que c'est plutôt un versus. Oh ouais. Bon, je vous laisse débattre en antenne de qui ça. Versus. On va continuer. Ouais. Là, avec MC Hammer et You Can Touch This, qui est sorti en 90, oui. Et c'est un sample de Rick James de Super Freak de 80. Ah, bah ouais. Et la fameuse reprise de la chaîne La 5, Touche pas à La 5. Ça vous dit rien au moment où la 5 a disparu, l'ancienne chaîne Ouais. Et ben, ils avaient repris donc la version de MC Hammer avec des paroles de comment il s'appelait le journaliste fan des extraterrestres. Jean-Claude Bourré. Jean-Claude Bourré, exactement, et c'était la voix de Jean-Claude Bourré. D'accord. Le morceau s'appelait Touche pas à la 5. C'est Jean-Claude. Alors, si tu arrives à retrouver ça, là, je sais pas. On va écouter déjà MC Hammer, ça fait ça. Alors je vois que Harry t'es pas d'accord, mais c'est un sample. Oui, c'est du sample, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est aussi le principe même des rappeurs, c'est justement d'aller j'ai jamais dit le contraire que ce soit des rappeurs ou des DJ qui reprennent le truc. Ouais, je suis d'accord. Le tout c'est que le sample en fait, c'est ils prennent un morceau de musique. T'as raison. Ils en font une boucle. Où il l'utilise juste dans un morceau. Je suis d'accord avec toi, c'est parce que moi j'ai la connotation un peu pirate derrière, c'est pour ça. Parce que là il paye pour utiliser ça. Non, mais c'est pour ça. Tu vois, j'ai la connotation un peu, je pirate un peu les rythmes d'un autre titre. Non, là c'est pas un plagiat, là c'est il paye pour utiliser le sample. Donc il y a par exemple Ménélik, qui est aussi un rappeur, qui a dans Quelle Aventure en 95 a utilisé justement Pino Danjo Macuale Idea. Et il a aussi utilisé Bob James avec Sign of the Times. Ouais. Alors je vais vous faire écouter donc les morceaux, ça donnait ça. On a coutume de dire que la vie est dure, moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure, moi je me bats pour le futur, quelle aventure. Thank you. faut que je m'enlève de la tête effectivement ce côté je pique des notes à quelqu'un d'autre alors que non, pique et, pas, et voilà. Donc l'autre partie donc qui était de Bob James, c'est celle-là. Alors oui, Menelik a repris ça, effectivement. Ah, c'est dingue ça. Ah ouais. Donc bah forcément, il a changé la tonalité, mm-hmm. il a accéléré un petit peu, et donc bah c'est ce qu'on entend derrière. Alors ensuite, il y a Michael Jackson qui a repris un sample aussi dans Beat It. Ah, alors ouais. Là, par contre, ça va plus parler à Canon parce que c'est de alors tu vas pas connaître celui qui a fait le morceau, c'est Denny Jagger. Ah si, Denny Jagger. C'est pas le frère de Mick. C'était en 81. Tu veux que je parle de... Et alors, le truc, en fait, c'est que c'est l'un des premiers qui a joué sur un synclavier 2. Oh enfin, si, non. Voilà. Ah, ouais, c'est et bon. Donc, et donc... Enfin... Et écoute... Un synclavier, c'était... Vous voulez que je vous en parle une heure? Non, pas du tout. Mais écoute, donc ça, c'est Michael Jackson, et juste après, on va entendre un petit morceau de synclavier. Donc ça, c'est du synclavier. Hein. Et ensuite, on arrive sur la musique. Ça, c'est le morceau au synclavier 2. Oui. Qui a été fait par Denny Jagger un an avant en fait. D'accord. Donc Michael Jackson a dû entendre ce passage là, oui, s'est dit c'est cool, je vais le mettre dans une chanson. Bien sûr. Et il a racheté les droits pour passer ça. Il a racheté tout. Alors ensuite il n'y a pas très longtemps, c'était en 2012, il y avait Pitbull et Christina Aguilera qui ont chanté Feel This Moment, ouais. Et avec un sample de AA, c'était Take On Me. Ah, écoutez, ouais. C'était ça. I just wanna feel this moment. This worldwide. Christina Aguilera. Oye, mamita. Come on, dale, que la cosa está rica. Donc là, forcément, plus rapide chez A, mais repris aussi, ouais. De façon un peu plus R&B, pop, machin, tout ce que vous voulez, avec des poils autour, pour Pitbull. Machin et poils autour, ouais. Ça... Ouais. Non, non. Charlotte, tu es mon amour avec des poils autour. J'ai l'impression que Canon déteint sur toi, là. C'est possible. Il y a besoin de vacances. Il est fatigué. Il y a Puff Daddy, en 97, qui a chanté Been Around the World, ouais. qui contient des samples de David Bowie, Let's Dance, et de Lisa Stanfield avec All Around the World. Ah ouais, d'accord. Écoutez, ça donne ça. D'après Sherlock, il aurait payé quand même pour cette interprétation. C'est tellement flagrant que forcément. Si, là, les interprètes ont payé. Non, mais là, les paroles de Lisa Stanfield, oui. C'est... L'autre partie, c'est ça. Voilà, donc ça c'était la deuxième partie, c'était la version musicale. D'accord. Alors, Ensuite, on passe à September avec Cry For You, ça c'était en 2006. Ouais. En 2006, eux, ils ont repris Bronski Beat avec Small Town Boy. Ah ouais. De 84. Et ouais, donc c'était... Quoi eh oui. Non, c'est scandaleux. Alors, bah écoute, Canon, c'était... C'était, merde. C'était ça. You'll never see me again. Je suis un peu dubitatif. J'ai pas oui, il y a le mais je comprends mais. Ah ouais si juste c'est super. Oui, je sais au niveau que dans dubitatif il y a. Alors là attention parce que c'est un sample. Là le prochain c'est un sample mais qui est tiré d'un film. C'est Stomy Bugsy et Doc Gineco en 98 qui chantaient Oye sa papaya. Ah, vas-y, montre-moi ta papaya. Et c'est tiré de Scarface, une réplique du film de Scarface. Et ça donnait ça. Oye sa papaya, ça vous dirait un escrime avec mon ami et moi pour les big bondas et les petits tamas. Regarde ça. Hey, mira, tu passes à côté de quelque chose, là tu loupes. Oh, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oye sa papaya, ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi. Et ça c'est super. Ça c'est collector. Ça c'est collector. Film, ouais. Ah ouais. Ça c'est collector. Attends, tu rigoles. Bah je vois pas ce que de collector. Ouais, bah, il a chopé le texte. Oh yeah, la papaya. Ça dirait un ice cream et moi. Bah attends, ça a repris du parrain. Oui, non, c'est excellent. Scarface. Scarface, pardon, c'est excellent. Ah oui, non, attends, moi j'étais en train de me dire, c'est dans la chanson les paroles en fait. C'est ce que j'étais en train de me dire. Je me dis, c'est vachement naze en fait. Non. Ah, ouais, c'est, oui, en d'accord. Fait, ouais, la réplique de Scarface, c'est Oh yeah, sa papaya, ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi. D'accord. Et ça, ils l'ont repris. Ouais. Ouais, mais c'est génial. Ça, c'est une tuerie. Du coup, c'est pas un sample. C'est. Bah. Et tu vas me dire qu'ils ont payé les droits. Ils chopent une expression. Bah, ils ont peut-être payé les droits pour utiliser la phrase, parce qu'à mon avis, la phrase. Si c'est la Warner. Ah bah oui. Mais je vois la pas phrase, où il y a le sample là du coup parce que c'est pas musical, c'est juste repris les paroles. Alors, sans dire de conneries, tu prends je sais pas quoi, la 7ème compagnie, tu prends par exemple touche pas à sa petit con. Non mais tout, ouais, c'est du tout. Vous avez du ouais, alaï. C'est si t'entends hey, c'est du touche pas à sa petit con. J'ai glissé, tu crois pas si bien dire Marcel et son orchestre a chanté une chanson qui s'appelait Il nage bien chef. Ouais, ouais, bah ouais, voilà. Exactement. Et donc, mais ils ne considèrent pas ça comme un sample. Hein. Mais non, ils ont peut-être du pas la réplique, c'est comme vous nagez bien, chef. Ne dis pas. Si, il nage bien, le chef, non. Comme ça, le chef. J'en doute. Le meilleur moment, c'est quand. Il le fait dans chacun des 7ème compagnie. Et à un moment, il dit il nage bien, chef, c'est certain. Le meilleur moyen, c'est quand même quand il chante. Comme vous nagez bien, chef. Exactement. Ouais, peut-être. Mais il y a un moment, il nage bien, chef. Vas-y, Sherlock, enchaîne. Ouais, on enchaîne parce que là. Ouais. Qu'on parle de sample, un truc que ouais, je. Ouais, non, on va enchaîner. Ok. Alors, attends. Je vais essayer de vous passer donc trois petits morceaux en fait qui font partie de la même chanson. Donc, j'ai passé celui-là, c'est donc ça, ça et ça. C'est Will Smith avec la chanson Miami. Ah oui. En 97. Qui lui a repris des Whispers avec ouais, And the Beat Goes On de 79. Il a repris de Miami Sound Machine avec Conga. Et il a repris de Gloria Estefan, qui faisait aussi partie de Miami Sound Machine, avec You'll Be Mine Party Time. Okay. Et donc ça fait ça, je vais vous passer les trois extraits, ça donne ça. Miami. South Beach, bring the heat. Donc là c'était And the Beat Goes On. Ensuite donc il y a Miami Sound Machine avec Conga. Donc ça c'est dans la version clip. Mom, shake your body, baby, do the conga and know you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Et donc, toujours dans la partie clip, il y a You'll Be Mine Party Time de Gloria Estefan. When the sun is setting in the sky, everybody knows it's party time. And when the moon is rising high, I'll be yours, I know you will be mine. Voilà, bon, j'en avais encore quelques-uns, notamment Will Smith qui en a pris beaucoup. Mais on va peut-être. Il a repris des Clash, hein, notamment dans une de ses chansons. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Ça, c'est le genre de une chronique qui pourrait. Non, Steph, on va peut-être embrayer. Parce que... On n'a pas la bourre, c'est vrai. Un petit peu quand même. Voilà. Mais ça, c'est à cause de ma chronique d'Onissa qui a un petit peu débordé. C'est vrai qu'Onissa, quand même, elle a été longue sur ce coup-là. Alors, on va accélérer et puis on va partir tout de suite la chronique des films de 80 avec des slow. Merde, ça démarre lentement. Mais on va essayer d'accélérer. On va y aller quand même. On va essayer d'aller à fond. On accélère. Allez, on c'est parti. C'est parti. On part pas. Nouvelle poussière. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, karate, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, karate, fiesta, forever. Come on and sing. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to yeah. Party, yeah. Climb, yeah. Yeah. Fiesta, yeah. Forever. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Come on and sing yeah. Yeah. My yeah. Song. You won't turn me away. me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made. Oh, yeah, the boy can play. Vu l'heure, il est temps. Alors, qui crache? Je sais pas. On a déjà fait plein de tests, on sait pas du tout. Eh ben dis donc, bon, on va passer une certaine heure, c'est pour nous mettre à la porte peut-être. Peut-être. Il y a quelqu'un à l'antenne. Alors je vous rappelle évidemment que vous êtes toujours dans l'émission 80 heures sur RQC dans les 5 FM et que vous veniez de découvrir donc la troisième session du Défi Mix 80 dans la Alors je suis un peu à l'arrache hein, parce que c'est vrai qu'elle a démarré mollement, mais c'est de votre faute, hein, tirage au sort c'est vrai que de 3 slots d'affilée. On tirera mieux la fois prochaine. Oui, oui, je compte sur toi. Et tu me dis jamais que je démarre mollement. Doucement mais sûrement. Alors, est-ce qu'on fait l'impasse sur les sorties cinoches, mon ami Sherlock ou pas? Oui. Bah ouais, je pense. Franchement. Allez. Bah, tu les feras la semaine prochaine, on les fera la semaine prochaine. Non, il est en vacances. Je t'écouterai dans la voiture. Ah oui, c'est vrai. Donc la semaine prochaine, donc Sherlock sera en vacances, vénard. Bon, je peux donner juste les titres à la rigueur. Hein, alors mais... vas-y, allez, vas-y. Il y a Baby Driver, Bigfoot Junior, Cars 3 qui est déjà sorti en France, non en Belgique pardon, et hashtag pire soirée. D'accord. Mon voilà. Dieu, déjà le titre. C'est avec Scarlett Johansson. Ah ouais, vous êtes bien. Je m'en doutais. En gros, le truc, c'est elle revoit d'anciennes versions féminines. Ouais, un peu. Ouais, elle revoit d'anciennes copines de lycée, puis elles font la fête. Il y a un stripteaser qui arrive et elle le tue. Sherlock, on s'en fout du script. Elle est dedans. Oui, elle est dedans. C'est bon. Et il y a notamment Zoé Kravitz, qui est la fille de Lenny Kravitz, qui joue dedans. Ouais. Ah, d'accord. Et ouais. Donc la belle fille de Vanessa Paradis. Non, pas forcément. Non, vraiment. Non. Et, bon, alors, en France? Bah c'était ça, Cars 3 et hashtag pire soirée, et en Belgique Baby Driver et Bigfoot Junior. D'accord. Ouais. Et Bigfoot Valérian, Junior qui est sorti une... ou pas? Valérian, oui, Valérian. En France il est sorti. Oui. Ouais. Alors il paraît que la critique elle est pas unanime. Bah, ouais, il paraît qu'il est mauvais l'acteur qui joue le rôle de Valérian. Ah oui, parce que j'espère bien aller le voir quand même. J'ai vu une critique là, enfin j'en ai vu plusieurs d'ailleurs, où il disait que l'acteur principal il se demandait pourquoi ils avaient choisi. Ah, j'ai une anecdote à vous raconter quand même là. On parle de cinéma, mais. Peut-être pas, on va en voyer peut-être. Bon, je sais pas si vous avez été voir le film Dunkerque. Non. Alors, qui est sorti dans certaines salles en 70 mm. Oui. Ben, il s'est produit quelque chose qui n'est pas arrivé, je pense, depuis 20 ans dans un cinéma. Il y a eu un entracte. Le film qui s'est emmêlé. Ah ouais. Et donc. Comment c'est possible? Ils ont dû reporter une séance parce que ça s'est produit avant la projection, quand même. Ouais. Et ils ont dû faire rappeler un technicien, d'ailleurs, pour remettre le film à plat. Parce que c'est une bande. Ouais, parce que maintenant, c'est souvent en disque dur. Voilà. Excellent. Donc, quand même. C'est le genre de choses qu'on peut plus voir dans les cinémas actuels, mais là, ici, en 2017. Donc c'était une bande alors. Ouais. Bah déjà, à mon avis, ils ont dû commander la machine pour le faire tourner. Parce que la sortir, la dépoussiérer. Ouais, je pense, ouais. Ah ouais, d'accord. Bah, dis donc. D'accord. Okay. Comme quoi, tout peut arriver. Ouais. Oui, Philippe, t'avais peut-être quelque chose à rajouter tout non. à l'heure, non. Sur les samples, peut-être. Non. Bon, allez, un petit sample pour terminer. Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Le temps, bah, évidemment, de remercier notre ami Stéphache pour sa chronique Défi Mix. Bah, merci, ça a démarré un peu de manière chaotique, c'est dommage, mais voilà. Mais non, c'est la technique, hein, qu'est-ce que vous voulez. Ouais. Comme quoi, des fois, le numérique, rien ne vaut un bon vieux vinyle. Fallait juste que tu remettes ta main. Il aurait sauté aussi, peut-être. Oui, peut-être, ouais, peut-être. Et du coup, bah, on te retrouve à la rentrée. Oui, alors je serai là début septembre. Tu prends pas 3 mois tous les fois. Non, et tu vas faire une chronique ou pas? Non. C'est vrai que. Ah non. Ça t'a pas donné envie de réitérer, hein, oui. Mais franchement, moi, ça m'a donné envie à ce que. Oui, ça recommence par contre. Et bien, toi, Sherlock, quand même, tu es absent 1 ou 2 semaines? 2 semaines. Ah, moi, je reviens le 22 août, je serai là. Ah, 2019? Oh, ça va faire long! Et donc je vous rappelle aussi, justement tu parles du 22 août, qu'on va recevoir donc la présidente de l'association donc Rondissima avec Miss Rondissima et quelques-unes des candidates pour nous parler de l'événement qui aura lieu donc le 2 septembre donc à Waterloo, c'est-à-dire l'élection de Miss Rondissima donc 2018. Voilà. Oui. On aura aussi l'occasion en septembre, j'annonce, c'est de recevoir donc Christopher Renard qui organise maintenant, on en avait parlé, donc on en parlera avec toute l'équipe et tout ça, mais dans le cadre de l'émission. Miss Eno 2017, etc. Et on aura aussi l'occasion, je vous en parlerai, de de recevoir. C'est Sarah Breezer qui s'occupe en fait d'un énorme événement sur ce clin de plus de 800 personnes avec tout ce qui a trait à la mucoviscidose et tout ça. Oui. Il y a un très très bel événement avec Vero Solo, moi-même, mais d'autres chanteurs et qui va rassembler beaucoup beaucoup de monde le 29 septembre. Sur ce clin. Voilà. D'accord. Je vous en parlerai. Et j'étais en communication avec elle il y a 20 minutes en disant si tu as un petit peu de place, ça serait bien que tu puisses venir nous en parler. Absolument. Ouais, ça va être génial, on en reparlera. Tout le mois d'août, on pourra en reparler. Bon, merci à Flipkat. Belle découverte. Belle découverte. Ouais, c'était chouette. Ouais. Franchement, Flipkat, c'est une très belle découverte. Alors, le cover Rockers, c'est ça? Rocker Covers. Voilà, ah ouais, donc un groupe à découvrir ou à redécouvrir si vous connaissez, ouais. Mais en tout cas, c'est des belles reprises. Quoi. Ouais. Et puis bah merci à Sherlock évidemment. Je vous en prie. Pour les sorties Cinoche. Pour une fois, oui. Tu nous as donné envie d'aller au Cinoche. Bah, je ferai ça plus souvent. Alors sinon, Rétro Ciné 80 peut-être. Ouais. Et évidemment, merci aussi pour cette chronique estivale avec les samples. Voilà. Et bah, nous on se retrouve la semaine prochaine. Même justement, parlant de samples, je veux ouais. Au revoir, Onisa. Au revoir, oui. Au revoir, les garçons. Au revoir, Onisa. Portez-vous bien. Bonnes vacances, Sherlock. Profite à Mac. Profite bien, oui, oui. T'as besoin de repos. Ouais, ouais. Voilà. Je te comprends, hein, c'est épuisant. Hein. Et puis tu n'auras rien avec une chouchène, hein, évidemment. Ouais, on va essayer. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, ciao, ciao. Salut, ciao. Au dodo. Bye.